Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Hein, ouais. Tu vas pas t'enculer? Ah bah ouais, grave. Mais enfin, ça va pas, ça pas, pas la tête, ça te va pas du tout. Bah, tu vas pas, c'est nous. Mais c'est pas grave que de dire le mot enculé. Oh, Florent. Mais il empêche que tu vas pas, j'ai jamais vu ça. Je vraiment, je l'ai fait mille fois dans la dans le podcast, tu l'as fait. Donne-moi deux preuves. Il est dingue d'ailleurs, on dirait, tu sais, les bandes adhésives Tipex là. Oui, oui. Bah, oui, c'est une bien, petite souris, une petite souris. C'est intéressant pour les gens qui voient pas le truc. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Comme à l'accoutumée avec Adrien Méniel, nous sommes accompagnés de gens charmants. Alors, quelqu'un va nous rejoindre pendant l'émission, peut-être. Peut-être. On ne sait pas exactement. En attendant, nous sommes le premier. Quoi? Oui. J'allais dire, ce sera soit Eric, soit Ramzy, on ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel encore va arriver. Notre premier invité, il est scénariste, comédien et réalisateur. Et quand on va sur sa fiche Allociné, il y a un commentaire. Un utilisateur du nom de Le Noir de Star Trek, sûrement un pseudo, qui a commenté: pourquoi as-tu été créé? Alors, eh bien je vais te répondre. Le Noir de Star Trek, il a été un des précurseurs du sketch sur internet avec 10 minutes à perdre. Un des premiers à avoir fait le saut du web à la télé. Il a fait un dessin animé, une BD. Et aujourd'hui il a réussi à vendre au service public une série sur un gars qui chie de l'or, qui en plus d'être marrante est étonnamment touchante. Ce mec, c'est Baptiste Lorbert. Ah, oui. Ouais. Merci. Incroyable. Mais je veux rencontrer Le Noir de Star Trek. Écoute, c'est... non, ça peut se négocier, ça peut se négocier. Je vais t'inviter à décaler un tout petit peu sur ta gauche, parce que sinon tu vas voir mon ordi et tu vas voir tout ce que j'ai préparé. Et okay. Alors, il y en a des choses. Je vois que t'as travaillé. Ouais, j'ai un peu bossé. Comédien, scénariste et réalisateur, vous avez vu sa bonne trogne sur internet, que ce soit chez Golden Moustache ou sur sa propre chaîne YouTube, dans ses courts-métrages Papillon ou Puzzle, où il fait genre le mec sensible, alors que dans Hors de lui, il joue un très bel enfoiré de beauf. Exact. C'est Nicolas Berneau. Merci. Ouais, ouais. Oh là là. Ah ouais, je suis un bel enfoiré. Ouais. De beauf. Bon, je garde Ramzy pour plus tard du coup. Le mode, la mode, pardon, les codes, le style, l'élégance, les prods, les pas, les techniques et les danses, le sport, les sapes, les vagues et les tendances. Ne cherche pas, tu sais d'où ça vient. Ça vient de celui qui joue un petit fouille merde de bureau dans la série Hors de lui. C'est Adrien Méniel. Ouais. Oui, parce fouille que merde. C'est un peu... C'est un peu un chercheur d'or dans cette série, un fouille merde. Oh. Ah ouais. Oh là là. Si, bah si. Si. Si, si, si, si. Bah, il chie de l'or. Non, mais c'est un sniper, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Bah non, mais prenez-en de la graine. Prenez-en de la roche. Prenez-en de la graine. Nous allons commencer avec. J'ai la ref, ouais. SNIPER. Ouais, Aketo, oui. Petit gâteau d'ailleurs. Bien sûr. Je lance le jingle des news du Floodcast. Aket, le nez pointu comme une fléchette. Comme une fléchette. J'adorais ce clash. Hein? J'adorais ce clash. Ah, il était génial. Aussi, ouais. Moi, mon truc préféré du clash de sniper, c'est quand ils parlent, ils font allez, on se calme. Et il y a un bruit de téléphone, il fait toi, t'éteins ton téléphone. Ouais, toi, t'éteins ton portable. Ils se disent faut que ça ait l'air vrai. Ouais. Donc, il y a un gars, on va lui dire t'éteins ton portable. Parce que le clash, ça se fait vraiment dans des règles très précises. Ah, ouais. On n'interrompait pas on avec va vos tels. Ton téléphone dans un clash. Ah, ça, vraiment là. C'est une scène coupée de 8 Mile où il y a M&M qui fait oh et oh. Ouais, le portable. C'est mode avion, hein. Ouais. Au moins ne pas déranger. En vibreur, c'est la moindre des choses. Des news un peu particulières, puisque nous sommes là pour faire la promotion de Hors de lui. Alors, déjà, Baptiste, est-ce que tu peux. Tu sais quoi? Non, on va déjà répondre pas que à la question. Non plus. Hein? C'est vite fait promo, c'est pas non plus. Oui, faut pas faire oui, que ça, quoi. Bah, on rigole quand même. J'ai reçu un chéco quand même. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, ouais, j'étais pas au courant, ça. On t'a pas dit. Non, ouais, un chéco, c'est un chèque qui vient avec une terrine fermée. Ouais, oui, exactement. Ça vient jamais seul, en fait. C'est dedans. Faut plonger la main dans la terrine et hop, tu sors le chèque dedans. Le groupe Indulgence, vous savez ce que c'est ou pas? C'est un projet artistique mené par deux designers. Oula, je m'étouffe. Deux designers qui ont lancé un projet que Baptiste Lambert a sûrement plagié pour sa série. Oh à votre là. Avis, quel est-il ce projet artistique? Eh ben, ils font de la merde plaquée or. Alors non. Hein. Mais on n'est pas loin. Il y a de la merde et il y a de l'or. Il y a de la merde et il y a de l'or. Ah, il y a de la merde et de l'or. Ils récupèrent des excréments. Non, ils ne chient pas dans les boîtes de conserve. Ils sortent les boîtes aux lettres. Ils récupèrent des excréments, ils les mettent dans un moule en or et ils moulent ensuite. Non, bon, ça ressemblait un peu à ce que proposait Adrien. Est-ce qu'ils ingèrent? Alors non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'ils ingèrent un truc doré pour le chier et ça fait des. Ah, les paillettes en or? Alors, ah, merde. Ça s'appelle la Gold Pills. Alors, ce ne sont pas vraiment des paillettes en or, c'est vraiment une pilule dorée. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Alors, c'est assez dégueulasse, hein, la pub met ça dans une bouche. La bouche est jolie, ouais, hein, ceci dit. La bouche est très jolie. Il y a eu un shoot pour faire la pub. Il y a eu un budget quand même. Ils ont rendu le truc très glamour, sachant que c'est pour chier après. Oui, ouais. C'est un brand Golden Moustache qui a bossé derrière ça. Donc c'est un laxatif de luxe. Alors oui, c'est pas vraiment un laxatif, c'est juste pour avoir de l'or dans ta merde, j'imagine. C'est-à-dire que, genre, en gros, tu te dis, ah putain, j'ai une soirée chez les amis, ouais. Je la prends, et au cas où j'oublie de tirer la chasse d'eau. Les amis seront pas trop choqués, quoi. Ah, classe, ça va. Ou alors pour les scatos qui veulent vraiment être classe, quoi. Ah, ouais, peut-être classe, sur les scatos, je vais tuer dessus, sur le torse, et là tu fais oh. Bah surtout que distingué, c'est sexy, raffiné. C'est de l'or 24 carats quand même. Pour de vrai. Ah, mais c'est vraiment de l'or. Non, c'est du vrai or. Ah, c'est pas un truc doré, c'est de l'or. Non, c'est de l'or pur, ça coûte, la pilule coûte 320 euros. Ah oui. Ah ouais. Tu feras gaffe, Pascal, t'as encore 12 carats là sur le front. Non, c'est sous les ongles. C'est Tobias Wong et Ken Courtney qui ont lancé. Ah, ils ont fait ça à deux quand même. Ouais, qui ont lancé ça. Et alors, ça fait un peu écho à une œuvre d'art qu'avait créé le Belge Wim Delvoye. Est-ce que vous savez ce qu'il a créé comme œuvre d'art? Est-ce que c'était la machine à faire de la merde? Oh là là, très bonne réponse. Machine géante là. Qui reproduit la digestion, le processus de digestion. Mais elle est énorme, cette machine. Ouais, elle est gigantesque. Il l'a créée en 2000. L'œuvre s'appelle. Donc elle est surnommée, intelligemment, la machine à caca. Ah bah oui. Il avait fait plein de trucs, hein, ce gars. Il fait un peu des trucs apparemment provocateurs, parce qu'il avait tatoué des cochons, par exemple. C'était un des trucs qu'il avait fait. Quel provocateur. Moins bien. Tatouer des cochons. Moins bien. Quel provocateur. Ouais. Ouais, il y va pas avec le dos de la cuillère. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je provoque. Mais tu veux pas rentrer plutôt? Il fait froid là. J'ai fait des raviolis. Laisse-moi tatouer des porcs. Je veux tatouer des porcs. Ah, arrête, c'est chiant. C'est moi qui paye derrière. L'œuvre s'appelle Cloaca, surnommée donc machine à caca. Ah, avec l'apparence sérieuse d'un laboratoire scientifique, la machine de Delvoye produit le processus de la digestion exactement. On entre des aliments et au bout de la chaîne sortent des excréments. Cloaca fonctionne véritablement, le twist, point d'interrogation, une fois les aliments ingérés par la machine de 12 mètres de long et 2 mètres de haut, oui. Les excréments produits, ces derniers sont ensuite emballés sous vide et marqués d'un logo de la marque Ford ou Coca-Cola. Oh. Ah oui, il dénonce vraiment en fait. Wow. C'est vraiment un mec qui dénonce. En fait, ça la provoque. Ça. Ford. Quoi? Le mec qui a deux marques random. Mais parce que c'est l'inventeur du taylorisme, donc tu vois, de l'industrialisation. Du Fordisme. Oui, oui, bah non, mais c'est pas mais du c'est vrai que chose, en fait. Pardon, c'est vrai, à la chaîne, c'est vrai. Effectivement. Travaille à la chaîne, pardon. Non, ouais, je non. croyais que c'était une émission sympathique, mais. J'ai un bac ES en fait, et Fordisme et Taylorisme, c'est pas la même chose. C'est vrai. J'aime bien ce que l'article dit, de quoi dénoncer ce que les géants américains produisent tous les jours. Waouh. Bah ouais. Bah, si faisaient ça aujourd'hui, ce serait Amazon, je pense. Oh, de toute façon, déjà, s'ils devaient le faire aujourd'hui, ils pourraient plus le faire. Parce qu'il y a que les. Ouais, bah ouais. Et je suppose qu'il y a que le directoire de Ford qui peut aller à son expo, de toute façon. Donc, Non, écoute, c'est ouvert à tous. Je sais même pas où c'est pas écrit, où est-ce que c'est. Je vais googliser où peut-on voir la machine à caca. À caca. Ah, yes. Hollande, t'as dit non? Hein? En Hollande, non? Oh, j'ai compris que tu disais c'est Hollande et que tu dénonçais toi-même la politique. Tu mets des de politique sur les emballages. Elle existe toujours, elle s'appelle l'Elysée. Oh là là. Et ouais, c'était moi le mec, je provoque, j'ai envie de mon masque. Emmanuel Macacaron. Macrotte. Macrotte, c'est Macrotte. D'accord. Je vais tatouer un porc, ça. Ah ouais, bah il y en a un, il s'appelle Darman. Oh, putain, mais ça, c'est vrai que c'est un gros porc. Attachez vos ceintures, bordel. Ça fait que 7 minutes qu'on a commencé. Et on a le CSA qui nous appelle. Et ça mitraille. Et tout le gouvernement est rhabillé pour l'hiver. Cette question est évidemment un prétexte pour parler de Hors de lui. Baptiste, est-ce que tu peux nous pitcher la série Hors de lui? Alors, en utilisant ni le mot or ni le mot déféqué. Bien joué. Bon, bah, très facile. En 5 secondes. C'est et l'histoire d'un homme qui pond une matière qui pond quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. Oh, matière précieuse, quoi. Matière précieuse, je cherchais le mot. Mais alors, il y a une petite subtilité, il ne la pond pas comme ça. Il la pond avec son cul. Non. Je voulais être subtil. Merci, parce que c'était une subtilité que je voulais apporter. Non, mais non. Il veut peut-être pas spoiler. Tu veux pas le dire? Si, tu veux pas le dire. C'est une histoire d'amour. Voilà, exactement. Non, mais pour de vrai, Hors de lui, c'est une histoire d'amour. De désamour même. Et de désamour. C'est un couple qui est en crise. Voilà. Et il y a cet élément fantastique qui vient. Basé sur la merde. Qui tombe sur notre héros Joseph, qui se met à pondre de l'or. Et ça va chambouler sa vie affective, professionnelle et personnelle. Et voilà. Et sociale. Et sociale. Et économique. Et exactement. Historique. Et comment tu comment moi c'est une, j'ai l'impression que on se connaît depuis quelques années maintenant. Oui. Baptiste. Oh oui. Oh oui, c'est une série que, dont tu m'as parlé depuis longtemps, mais comment c'est quoi la genèse en fait de ce projet et comment on peut vendre un sérieux avec un pitch aussi foufou, je me, ouais. Eh ben... me permets. Peut-être même farfelu. Hein. Non. Oui, non, mais c'est vrai. À la base, c'était un court-métrage que j'avais écrit il y a très longtemps et j'avais essayé de le. Quand on était à l'époque Studio Bagel à la 4. Et Hervé Bellec, producteur, a lu le court-métrage et a dit mais non, mais ça, il faudrait en faire une série. Je lui ai fait bon. Il était dans les aigus comme ça. Oui, quand tu proposes un. À la fin. Il fait comme la et après il finit par avec les mains sur les hanches et tout. Oui. Ah, vous l'avez vu, vous sur une affiche de stand-up. C'est Eli Kaku, hein, pour c'est le fantôme d'Eli Kaku. Et il me dit faut en faire une série. Je fais quand même déjà un court métrage, c'est cool si on y arrive et tout. Non, réfléchis. Et puis il avait mis la graine dans ma tête et je fais on va en faire une série. J'ai eu plein d'idées et puis je fais bon, maintenant qu'on a le truc, c'est cool, mais personne va l'acheter. Il fait mais si. Donc on le propose à absolument la terre entière. Et la terre entière nous dit on adore, vraiment c'est super bien écrit, c'est vachement bien, mais non. Ouais. Mais alors, quand on te dit ça, t'es là genre mais non. Ensuite, il y a Ramzy qui dit le projet, qui dit je veux le faire. Donc on se dit bon, bah c'est bon. Et les gens disent oui, mais quand même. On adore, en plus on adore Ramzy, mais non. Est-ce que c'était juste par rapport au fait que c'était un personnage qui chiait de l'or? Je pense. Ouais, moi je pense même. Je vais aller plus loin, mais je pense que c'est aussi par rapport à ce que j'étais moi. C'est-à-dire qu'il voyait quelqu'un sur YouTube qui fait du régressif, du pipi caca, et bon, comme beaucoup de diffuseurs, comme beaucoup de professionnels, ils avaient du mal à se projeter, à dire qu'on était capable de faire autre chose. On a un peu, ici autour de la table, tous étaient un peu victimes de ça. Il y a un peu moins de poésie dans le proto-teaser que dans le de lui en plus. Mais on n'a pas le droit de grandir. Même c'est les adultes qui ont grandi nous disent non, toi tu restes, j'ai un gamin, je paye un crédit, des impôts, enfin je veux dire, j'ai le droit de grandir. Des impôts de plus en plus gros, hein, ma crotte. Allez, on essaie de draguer tous les bords. Et du coup, il y a eu l'appel d'offres de France Télévisions qui cherchait des high concepts et on a gagné. Et ils nous ont fait confiance et je trouve ça génial que ça soit sur le service public, une histoire comme ça. Et puis surtout, c'est pas généralement c'est pas le genre de service où ils sont dans la comédie, etc. Donc il y a une double prise de risque dans le ton et dans le fait que on va pas faire du policier, on va faire un truc drôle. Oui, le policier qui est le genre phare, à la mode sur les chaînes de télé. Vous les gars, Nicolas, Adrien, quand vous l'avez lu, vous êtes dit, est-ce que vous avez été... J'ai pas lu moi. C'est vrai qu'Adrien n'a pas lu le scénario. Non. Il ne l'a fait qu'à la confiance. Et il est arrivé le lendemain de son jour de tournage. C'est non, ça le service, il lisait rien en fait. C'était très très compliqué de communiquer avec lui. C'est pas vrai. En revanche, Ramzy et Eric. Tu peux le dire, ouais. Je peux le dire. Tu crois pas si bien dire parce que. Non. Attends, ça. D'un seul coup, on a peur. Non, mais si on parle de la même chose, c'est vraiment pas de ma faute pour le coup. Non, voilà. C'est que, effectivement. Je propose que Nicolas fasse sa version et tu pourras l'étayer à la manière d'Eric. Je vais faire une bonne version normalement. Eric Météo, bien sûr. Notre premier jour de tournage, puisque avec Adrien, nos personnages sont tout le temps en même temps dans les séquences. Donc on arrive sur notre premier jour et Adrien la veille me dit demain moi je suis silhouette, hein, bon ça arrive, hein, c'est comme ça et tout. Je fais mais attends, je comprends pas, c'est impossible que tu sois silhouette, il t'aurait jamais fait venir pour être juste silhouette et tout quoi. Et on lit effectivement la séquence et il y a un nom de personnage. Moi, juste Baptiste m'avait dit si ça t'intéresse, voilà, tu joues le personnage de Henri. Voilà, c'est ça. Ok. Et effectivement, dans le jour à jour, qui est le déroulé de la journée en termes de texte et tout, on ne voit pas le personnage d'Henri, mais on voit un autre personnage. Qui s'appelle genre Collègue. Collègue, voilà. Ou alors un autre prénom, je sais plus. Collègue. Ou un autre prénom, mais je sais plus. Et qui avait finalement un peu de texte, quoi. Et je lui dis, à mon avis, apprends ce texte, parce que je pense que c'est toi qui le dis, quoi. Et c'est effectivement ce qui s'est passé le lendemain. Donc t'as lu en fait. Ouais. Non, j'ai lu Mécène à moi. Moi j'ai lu parce que ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, pour les petites. C'est la chronique de Nico. C'est les petites ASMR anecdotes de Siloche. Où il fait des petits bisous. C'est que moi j'avais passé le casting pour faire le rôle de Stéphane. C'est vrai. Voilà. Stéphane qui est, pardon. Ouais. Alors, du coup, ça spoil. Alors ne le disons pas. Qui est un personnage. Qui est interprété par qui? Par Christophe Héroux. Un chef de chantier. Christophe Héroux, chef de chantier, voisin et ami du couple Ramzy et Olivia Cotte. Voilà. Bien joué. Voilà. Et du coup, j'avais passé ce casting, on était en plein confinement, donc c'était en tape. Et donc. Tape, c'est filmé chez soi. Ouais, pardon. Non, ouais, c'est voilà. Gens, on connaît les sex tapes, donc je pense qu'ils se sont dit, tiens, oui, t'enlèves le sexe. Oui. Voilà. Et du coup, donc, Baptiste voulait me voir pour ce rôle-là. Et ce qui était marrant, c'est que dans l'intitulé, il y avait marqué « Il est tellement beau que toutes les filles tombent amoureuses de lui. » Et les mecs aussi, tu vois. Et moi, je suis dans mon appart, en calbut, en train de lire le truc, et je fais « Eh ben, putain, c'est pas gagné, quoi. » Et donc j'ai du coup lu, grâce à ce casting, la série, dont tu m'avais parlé un peu brièvement au lancement d'un truc extraordinaire qui s'appelait « Le live de Webedia ». Ah oui, c'est vrai que t'as fait ça de... Et du coup, moi, j'avais adoré. J'avais lu au moins déjà le parcours un peu de ce personnage et tout. Tu m'en avais plus parlé parce qu'on s'était vu au téléphone. Et voilà, je crois que l'anecdote est pas très intéressante. Non, si, c'est vrai. Mais si, ça donne c'était des petits peut-être un peu long. C'était un peu long. Il y a eu Eric Ebouanet qui joue votre patron. Ouais. Non, pareil, au début, je l'avais vu pour le rôle de Stéphane. Et au final... j'avais envie de bosser avec eux, donc j'ai dit non, il faut quand même. Ça marche pas pour ce rôle-là, mais je les veux. Mm. Et Adrien, donc toi, t'es, moi, il pensait pas à un plus gros rôle. Il n'y avait pas de plus gros rôle à la base pour moi. C'était vraiment celui-là directement. Et un personnage qui avait du coup trois noms dans le script pour dire l'importance du mec. Non, mais est-ce que tu peux nous expliquer, parce que moi, je trouve ça intéressant, de pourquoi tu t'es dit non, je vais pas le lire, je vais le prendre sur le truc maintenant. Tu ne respectes pas. Non, c'est une autre méthode. Moi, c'est une méthode. Pour le coup, je suis un peu metteur en scène. Une méthode très française quand même. Je suis un peu metteur en scène et il y en a qui le font. Et en vrai, ça donne une autre approche. Ça fait pas quelqu'un de moins travailleur. Mais je sais pas si c'est si professionnel que ça, mon approche. Mais non, mais moi, il y a un truc de. Mais c'est aussi parce que j'ai envie de découvrir le projet et de juste de pouvoir en tant que spectateur voir le truc et tout. Donc c'est pas du tout un truc tellement tellement pro. Mais il y a une anecdote de. Pardon, il y a un pigeon. Il y a un pigeon avec un pigeon dans l'appart. Et laissez-le. Ouais, Ramzi, les enfants. Oh, il y a un pigeon. Mais une anecdote. C'est bon, t'écris sur de la merde. C'est qui l'enfant? Oh non. Non, mais j'écris des trucs, mais toi tu sais pas lire, alors tu peux pas lire. Éteins ton portable. Parce que c'est un clash pour ça. J'ai dit. Ah oui. Il a peur pour ceux qui étaient là au début. Mais j'ai vu une interview de Matthew McConaughey. Ouais. Le Méniel français, le Méniel ricain, j'ai regardé. Le Méniel ricain qui disait j'ai voulu arriver sur un plateau sans rien connaître, en mode nouvelle méthode d'acting, etc. Et vraiment, j'avais rien lu. C'est Interstellar. Non, c'est un truc de cowboy, je sais plus quoi. Et il me dit j'ai rien lu, machin, etc. Et j'arrive, j'étais très sûr de moi. Et là, il arrive et on lui dit bon, tu connais bien ton texte. Ah ouais. Et il avait trois pages de texte en espagnol. Il lit même pas ses. Non, là, il avait voulu pour cette scène-là. Il a fait plus jamais quoi, après, du coup, parce que du coup, j'ai, bah ouais. J'ai appris en 15 minutes. Je suais, j'ai fait cette scène. Je n'ai jamais vu le film. Terrible. J'ai la mauvaise scène. Moi, je lis, si, quand même, je lis. Enfin, j'apprends mon texte quand même. Tu lis pas tout le truc. Moi, ça dépend des personnages. Ouais. Si ton personnage il a un parcours dans tout le film ou dans toute la série, ouais. Tu lis en entier. Mais ça m'est déjà arrivé effectivement de pas lire parce que je voyais que mon personnage dans ses interactions pouvait se suffire de ce parcours-là sans avoir besoin du reste. Effectivement, pour rejoindre ce que dit Adrien, pour aussi me laisser la surprise. Mais cela dit, sans rentrer dans des méthodologies d'acteur, parce qu'en plus on a bien compris que c'était pas ça, toi, Adrien. Pas du tout. Aucune stratégie. Dans... Non, mais c'est vrai que souvent les personnages n'ont pas à connaître. Tout ce que fait le héros dans le film, et au contraire de se prendre que ces scènes-là, donc au final c'est assez logique. C'est vrai. Je suis Stanislavski, c'est ça le nom? Non, Stanislavski. Ouais, mais Stanislavski, c'est la sous-marque. C'est celle qui est en bas du rayon, c'est celle qui est l'étage du bas, quoi. L'étage du bas du jeu d'acteur. Bah, je te prends la méthode Stanislavski, hein, tu fais pas chier, hein, parce que c'est pas cher. C'est le même goût, c'est le même goût, c'est pareil. T'as vraiment fait un accent du coup? T'avais dit qu'elle allait faire. Non, il était un personnage. Ouais, voilà. Toujours dans le thème ordre, on a des nouvelles de. C'est le fil rouge de cette émission. Ah, des nouvelles de Resident Evil. Non, mais on est dans les 5 minutes de plus qu'il avait annoncé. Tout peut se passer, sachant que s'il n'arrive pas, Adrien, puisqu'il n'a pas lu le texte de ce podcast, interprétera Ramzi. Sans aucun problème. Il jouera les plus grands moments de sa carrière et on compte sur lui. Aucun problème. Toujours dans le thème hors de lui, quel célèbre film a été le premier à filmer des toilettes? Ah, oh. Ah oui, ah bah, là. C'est arrivé en gare de 7. C'est pas celle. La Ciotat, la Ciotat, ouais. Non, moi je parle de Gare de 7. Gare de 7, oui. Ouais, c'est un court-métrage de 2004. C'est ça. C'était un film indé de l'époque. Un film à fumer des toilettes. À fumer des bons chiottes, ouais. Et un film célèbre. Film très célèbre. Psychose quand il va dans la douche. Très bonne réponse. De Baptiste Corbert, effectivement. C'est le film Psychose. Et on voit les toilettes. On voit les chiottes. Bah, comme il rentre dans la douche, il y a pas longtemps. Ouais. Ouais. Et Hitchcock fait son caméo. D'ailleurs, il est assis sur les chiottes. Sur le trône, il fait oh, je fais caca. Oh là là. Oh, je suis Hitchcock. S'il vous plaît, caca. Me dérangez pas. La dame qui prend sa douche est juste ici. Je traite mal mes actrices. Elle va passer un seul quart d'heure. Un peu comme tes toilettes. Peut-être que j'ai la chiasse. Je suis Hitchcock. C'était un autre cinéma. Ah ouais. Non, mais en l'occurrence, tu ne crois pas si bien dire, puisqu'à l'époque, il avait subi des foudres de la censure, pas que pour la scène de meurtre, pour les toilettes, mais aussi pour les chiottes. Ah ouais. Ouais. Ouais. L'être humain ne chie pas. Elle peut mourir. T'as comme quoi la censure finalement. Mais d'ailleurs, je suis là évolué quand même. Ouais, ouais, évolué. Mais même la première scène du film Psychose, c'est quand même deux amants dans un hôtel qui arrêtent pas de s'embrasser sur un lit et tout. Je me suis dit, mais attends, ça va, c'est pornographique ou quoi? Oui, et t'as pas regardé la suite sur la bouche. Ah, hein, ça m'a choqué. Sur la bouche, hein, ils s'embrassent. Sur la bouche. Qu'est-il arrivé à un homme de 63 ans, l'âge du Christ, qui a été admis dans un hôpital de New Delhi? Il a passé une soirée avec. Non. Non, je sais pas. Ça sera bipé, ça. Ah, ça, c'est bipé, là. C'est bipé. Il a voulu conserver ses excréments pendant trop longtemps? Non. Il a été ventousé par ses chiottes. Non. Il est resté coincé. Là, il y a eu un serpent qui lui a attrapé. Non, on en a déjà parlé. Un singe, parce que c'est hyper zague. Hein. Ouais. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans l'émission. Et ça a été assez difficile, on n'aimerait pas y revenir tout de suite. Mais attends, on n'a pas plus d'indices. C'est juste un mec de 63 ans. Mais après, vous pouvez imposer un milliard de questions. Vas-y, redis juste le. Il a mangé un indien. Non, pas du tout. Non, qu'est-il arrivé à un homme de 63 ans qui a été admis dans un hôpital de New Delhi? Un rapport avec les chiottes. Il a forcément mangé un indien, je pense. Un indien. La crotte. Dans la ville d'ailleurs. Un rapport avec la crotte. En tout cas, c'est lié, oui, effectivement. Ah, c'est lié à la crotte, oui. Bah, c'est le grand thème de l'émission. Ouais, je vois ça, ouais. Ouais, c'est bossé. C'est qu'il a un étron qui est resté coincé pendant des heures et qu'il n'arrivait plus à sortir. Non. Donc ça nous arrive tous. Des heures, ça, c'est le film 127 heures. Ça s'appelle la digestion, en fait. Un verre solitaire. Pas un verre solitaire. Est-ce qu'il a été plusieurs avec des potes? Oh, vous êtes cons, les mannes. Vous êtes deux cons. Alors, est-ce mais que c'est plus lié à la digestion qu'à la constipation? Ça l'a rendu constipé. Ce qu'on cherche l'a rendu constipé. Ah, il a mangé du plâtre. Il n'a pas mangé du plâtre. Il a mangé quelque chose qui lui a bloqué la digestion. Il a mangé du papier bulle. Oui, enfin si, c'est si. Il a mangé un truc qui lui a bloqué. Il a ingéré quelque chose. Il a voulu suicider. Du ciment. Non, pas du ciment. Et il a voulu suicider, mais il a ingéré que des smecta. Non, pas du tout. C'est un quelque chose qu'on trouve à la maison. On peut le trouver à la maison, mais c'est très rare. Du sable. Non. Merde. De la terre. Qu'il a pu faire ce non. C'est quelque chose qui. C'est une matière. La bonne réponse. C'est une matière. C'est une matière qui est utilisée dans est-ce le. Que cette personne est débile. Non, bah, okay. On va pas la juger. Mais non, mais quand on va avoir la réponse, on peut se dire. Ah. Okay. Est-ce que c'est une matière qui gonfle avec l'humidité? Ah non, ça aurait été malin, mais pas du tout. Est-ce que c'est une matière qui est utilisée dans la construction? Non, mais c'est une matière très solide. Très solide. Mais, ouais. Mais même au moment de la manger, c'est du solide. Fer. Il a mangé du fer? Non, du métal. Apparemment, ouais, il a mangé un truc. Il l'a mangé. C'était. Oui, solide quoi. Ouais, complètement. Il l'a mangé solide. Il l'a mangé il solide. L'a mangé solide du caillou et... De la glace? Non. Du non. Verre? De la glace, ce sera au final assez. Ouais. Une non, anecdote mais oui, oui, oui. Du béton. Du béton, du bitume. De la Agendaz? Je suis Ramzy, hein. Tout ce qui est nul, c'est pas moi, c'est Ramzy. C'est pas Nicolas Bernot. Du plexiglas? Non, pas du plexiglas. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dans la rue? Non. Qu'on trouve ce n'est pas le hip-hop. Du bois, mais c'est non, organique. Non, pas chez Monsieur Bricolage. Pas chez Monsieur Bricolage. Ah, pas chez Monsieur Bricolage. Non, mais bien sûr. Est-ce que c'est un matériau naturel? Ouais, t'as dit quoi? Bah, on demande si c'est un matériau naturel. Je n'en sais rien. Non, oui, c'est naturel, je crois. Ah, ok. Je vous dirai la réponse et vous direz, c'était pas du tout naturel. Ouais, ouais. Florent, tu es idiot. Ah, merde. Florent, okay. Ne sait pas si un sanglier est un mammifère pour info. Non, donc, j'ai un peu bugué la dernière fois. Ouais, on vient de là. Quelque chose qui est pas naturel. Je dénonce, il a mangé Eric Zemmour. Oh, pardon, ça sera coupé. C'est vrai qu'il est dur. C'est vrai qu'il est dur. On est un podcast d'ultra gauche, alors là, non, vraiment, on n'hésite pas. Putain, mais qu'est-ce qui est dur et qui est pas vraiment naturel? Mais en même temps, Flaubert est débile, donc du coup. Non, écoutez, la réponse à vous décevoir. Non. Pensez à la promotion que nous faisons aujourd'hui. Il a mangé de la merde. Il a mangé de l'or, tout simplement. Comment il a mangé de l'or? Il a mangé de l'or. C'est vrai. Comment tu t'appelles déjà? Stéphane. Yes. Ingéré. 12 lingots d'or. Mais le con. Mais ça vaut super cher un lingot d'or. Alors oui, bah c'est pour de la contrebande. 200 000 balles dans le dans le ventre. Mais en plus, normalement, tu te les mets dans le cul. Enfin, ça dépend. Tu peux pas les manger. Alors, il a menti. Non, mais le petit lingot. Parce qu'on lui a dit qu'il fallait de l'or, du cuivre et de l'argent dans les. Ah oui, les petites gouttes. Non, mais attends, un lingot d'or, c'est énorme. Oui, non, c'est 12 lingots. Moi, je pense que tu mens. Ton histoire est fausse. Je pense c'est impossible à avaler. Non, mais il y a des lingots qui sont plus ou moins grands. C'est pas possible. Oui, mais quand même, 12. Ouais, 12, c'est ça. Il les a pas plus c'est plus que 11. Il les a pas rentrés ailleurs. Non, non, il les a vraiment. Je vais vous raconter cette petite histoire. Je pense qu'il se les a mis dans le cul. Il a dit non, je les ai avalés. Je les ai avalés. Ouais, voilà. L'article s'appelle, l'article de l'homme s'appelle drôle d'endroit pour stocker de l'or. Oh. C'est pourtant dans l'estomac d'un. Non, dans l'estomac, vous imaginez à quel point il sera remonté. Ouais, non, mais c'est impossible. C'est pourtant dans l'estomac. Oh, bon, on a vu des films. C'est pourtant dans l'estomac d'un homme d'affaires indien que des chirurgiens ont découvert 12 lingots, comme le rapporte la BBC. La BBC. La BBC. La BBC. La BBC. La BBC. Alors, sans j'ai une anecdote. Il y avait un truc très antisémite qui disait que les juifs avaient sur eux toujours de l'or. D'accord. Okay. Oui. Et en fait, ça date de. Donc il y a de l'antisémitisme, d'une des énièmes, mais on le condamne. Une des millièmes condamne. Prises de Jérusalem, où les Romains avaient pris Jérusalem et les avaient en fait bloqués et pour les laisser mourir de faim. D'accord. Et en effet, ils avaient, pour pas se faire voler leur or, ils l'avaient ingéré. Et quand les Romains sont rentrés dans la ville, il y avait des corps en décomposition avec de l'or qu'il y avait, et donc du coup la légende était partie. Ah. L'homme de 63 ans a été admis dans un hôpital de New Delhi après s'être plaint de vomissements et de difficultés à déféquer. Il a dit à son médecin qu'il avait avalé une capsule de bouteille de rage, ce qui était un peu marrant, après une dispute avec sa femme. Mais en l'opérant, j'adore les gars qui, à chaque fois c'est le cas, oui, qui disent non j'ai bu de l'eau. Ouais. Et il se trouve qu'il y avait 12 lingots d'or. Mais en l'opérant, les chirurgiens sont tombés sur 12 lingots d'or pesant près de 400 grammes en tout et aucune trace de bouchon. Je sais pas pourquoi l'os se revient. Je repense à son excuse. J'ai avalé une capsule de bouteille de rage. Genre. Oh tiens. Mais t'as avalé le bouchon, chéri. Ah, mais ça va mieux, ça a calmé. Mais t'es complètement énervé. Peut-être qu'en Inde, c'est un accès de rage classique. Tu oui, vois, c'est ça. Vrai. Ah, donnez-moi une capsule pour calmer ma rage. Désolé, j'étais enragé, désolé. On a là, putain, mais on a que des canettes dans le frigo. On ne pourra aïe, jamais aïe, contenir aïe, sa rage. Ouais, 12 lingots feront l'affaire. Selon une estimation du Guardian, l'homme d'affaires avait pour 9500 livres dans l'estomac. Wow. Attends, 11 c'était 500. Des lingots d'or ou des livres qu'il avait? Oh non, la bibliothèque, hein. Environ 11 500 euros. Donc là, on est sorti des boîtes bleues dans Apprendre ou laisser. De valeur pour, dans le ventre, cet Indien a alors avoué qu'il avait avalé les pépites 10 jours plus tôt à Singapour. Attends, là, on passe de lingots à pépites. C'est vrai, mais. Parce que un lingot, c'est presque 30 000 balles. Et en effet, c'est pas très grand un lingot. Mais là, vu qu'il y a 11 000 balles, en fait, c'était complètement faisable. Il quoi, s'y mais... connaît parce que justement, c'est une des problématiques de la série. Ouais. Ah bah, j'ai suivi toutes les histoires d'or. Hein. Oui, et aucune histoire de merde, rassure-moi. Ah non, aucune. Cet Indien, alors, ah oui, donc voilà, des pépites 10 jours plus tôt à Singapour afin d'éviter les droits de douane. Ah. Et oui, les impôts d'or sont taxés à 15% en Inde. Le docteur, oh là là, le nom, je vais pas dire son nom de famille, il y a beaucoup de consonnes et de voyelles. Chirurgien en chef à l'hôpital. Sir Gangaham a déclaré n'avoir jamais vu un cas de ce genre. Je me souviens. Caca de ce genre. Oh. Et du coup, ils ont retiré les droits du cul. Oh, oh. Les droits du cul. Une pièce de théâtre avec François Berléand et Nils Aristrup. Je me souviens d'avoir retiré d'une vessie une pierre de 1 kilo. A-t-il ajouté, mais trouver de l'or dans l'estomac d'un patient, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Oui, enfin, c'est la chose d'avant, c'est pas mal. Mais autant non, mais autant une pierre de 1 kilo. Autant une pierre de 1 kilo dans une vessie, je dis pas. C'est. Bon, un jeudi. Mais des pépites de Singapour dans le cul, enfin, monsieur. Toujours dans ces jolies histoires, savez-vous comment. Alors là, on part en biologie. Savez-vous comment se défend le scorpion de ses agresseurs? Il lui chie dessus, voilà, il projette de la chiasse. Non, il remplit une piscine de chiasse, il les jette dedans. Putain, génial. Il pète et il dénonce le voisin. Est-ce qu'il projette un liquide lumineux? Non, un liquide, un manant. Le scorpion a vraiment une aiguille et c'est connu pour ça. De quoi? Il a vraiment son aiguille sur sa queue. En fait, la réponse est juste, il les pique. Non. Là il avait plus trop de trucs. Ouais. Il les pique. Il y a pas mille histoires avec de l'or et de la merde, hein, les gars. Il s'est dit, il y a un piège. Non, c'est pas, il les pique pas. Enfin, un scorpion, il pique pas. Oui. Ouais, j'ai lu des bouquins. À d'autres, hein. Je parle peut-être de scorpion de le sanglier Mortal Kombat. Est un oiseau. Non, mais ça. Tu parles du groupe scorpion, comment on se défend. Ils font. Ou du parfum. On a 60 ans, hein, laissez-nous tranquille. On continue de vous aimer. Non, le scorpion, en fait, c'est lié à la piqûre. Mais c'est, en fait, okay. c'est, C'est en gros. Du signe astrologique. D'ailleurs, la question, il les immobilise. La question est mal posée. Vous savez quoi, je vais reformuler la question. Très putain, mal posée. Ça m'étonne pas. On enchaîne beaucoup les podcasts en ce moment. Ça devient très difficile de préparer cette émission. C'est-à-dire que, effectivement, le scorpion, se défend en piquant. Mais qu'est-ce que ça entraîne chez lui? Chez lui. Il est constipé. Alors, oui, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Oh, je t'invite à ouvrir. Alors, est-ce que c'est Eric ou est-ce que c'est Ramzy? On va voir. C'est l'un ou l'autre. Ouais, il fait une roue, c'est incroyable. Il vient de faire une roue dans le salon de Florent, putain. Ramzy, bienvenue. Bienvenue, merci de m'accueillir. Oh là là, quel bonheur. Encore pardon pour mes 5 minutes de retard. Aucun souci. Alors je devais te faire une introduction alors que j'ai gardé, donc je la fais maintenant. C'est un peu décousu, mais écoute, qu'est-ce qui se passe, Adrien? Non, je lui dis de la prochaine micro, c'est tout. Tu peux demander quoi? Ouais, non, c'est pas ça. Il me donne des petits tips radio, il me donne des tips. Non, mais d'habitude c'est toi qui le dis là. Je me dis, c'est vrai. Faut bien mettre le micro dans ta bouche. On est chez qui? On est chez Florent. T'habites ici? J'habite ici. Ça va pour toi, dis donc. Ouais. C'est pas mal. Tu gagnes ta vie en podcast? Non, j'écris. Sinon, moi j'aurais un super papa. Tu es un bon scénariste. Je travaille pas mal. Bah, j'ai écrit La Flamme, par exemple, dans lequel tu interprètes. Ah bon? Bah, oui, entre autres. C'est quoi ton nom? C'est Florent Bernard. Ah, c'est toi? C'est moi. Putain, ça va. Enchanté, bienvenue. T'es un super bon auteur. C'est gentil, merci. J'ai adoré jouer et j'ai même pas improvisé. J'ai joué le texte qui était écrit. J'ai vu, ça m'a fait très plaisir parce que pas tout le monde a fait ça. Mais moi, je trouvais ça vraiment très drôle, donc j'ai joué le texte. Bah, merci beaucoup, écoute. Et Nicolas Bernaud, il est là? Il est juste en face de toi. Oh, c'est lui! Ouais. Pour moi. Mais t'inquiète, moi ça me le fait aussi. Tu te reconnais pas? Non. Ce matin j'ai flippé, putain. J'ai vraiment flippé. Mais ça me fait plaisir de vous voir. Je suis pas beaucoup dormi, mais être avec vous c'est cool. Non, ça va être très très bien, tu vois. Écoute, j'avais une intro, je te la fais maintenant. Donc c'est comme si c'est le début de l'émission, d'accord? On recommence depuis le début. Ça fait combien de temps que vous avez commencé? Ça fait une heure et demie. Ah, vous n'avez pas attendu du tout? Ouais, mais l'émission, en vrai, ça fait 20 minutes. 20 minutes, ça va. Ça va, 20 minutes. Wow. L'émission dure 5 heures. Si, ouais. Donc y a pas de. Ah ouais? Non. J'étais un peu menti quand j'ai dit 2 heures. C'est combien de temps on est parti pour moi? Alors, je vous dis. Il n'y a pas de durée, on verra. Je suis sorti du lit, je suis avec vous. Allez, c'est parti. On va fumer parce qu'on l'enregistre le matin. Par contre, je sais pas ce que tu crois que tu vas faire avec ta club, Ramzy, mais tu n'as pas le droit de fumer? Bah, bien sûr que non. Bah, si. Ah oui, ok, d'accord. Non, après, je peux chez moi. T'es pas chez toi. Non, mais c'est vrai. Dans les vedettes, on autorise. Non, mais je savais pas que Florian, c'est incroyable que je t'appelle Florian. Aurélien. Je savais pas que t'étais soumis à ce point. Aux vedettes, si. Oui, voilà. Bah, c'est pour ça que j'ai un grand appart et pas toi. C'est Will Ferrell, la petite. C'est un portrait. Tu vas adorer, il a trop. C'est un portrait de Ron Burgundy en bronze. Alors là, je suis chez des amis. Ah, toi, t'as l'habitude de couler là, des donc bronzes. Donc tu peux fumer. Là, je suis chez des gens bien. Tu as un petit buste en bronze de Ron Burgundy. Tout à ouais. fait. Ouais. Que j'ai acheté sur le web. Putain. Moi, j'ai le mug. C'est moi. je l'ai eu gratos. Je l'ai eu gratos, on me l'a donné. Non, mug, c'est nul. Ouais, c'est nul, je sais, mais en fait, toute ma vie est la version nulle de celle de Florent. Totalement. Totalement. Hélas, un peu mieux. Tu prends n'importe quel domaine, c'est mieux chez Florent. Voilà. Oh, beaucoup mieux. Là, le salon. Plus grand que mon appart en entier. Il y a un peu d'appart. Ah ouais, non, mais. On va pas dire où il est situé quand même. Non, non, mais je vis en concubinage, hein, je ne suis pas seul. Je suis ouais. Alors que moi, je suis seul, par contre. Elle est vraiment mieux sa vie que la tienne. Ah, vraiment beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Moi, par exemple, la flamme, moi, je suis parti en cours de route, tu vois, de l'écriture. Le flair. Deux fois, d'ailleurs, je l'ai fait. Très, très gros flair. Saison 1, saison 2, je suis parti. Pour des raisons personnelles, mais voilà, un flair à toute épreuve. Tout raté comme ça. Ah ouais, ouais. Ça peut être le thème de l'émission. C'est génial. À quel point j'ai raté ma vie. Donc Ramzy, j'avais une introduction et en même temps l'introduction disait: dois-je vraiment te présenter? Non, sincèrement, si vous êtes pas présenté, moi, si on a été présenté, c'est pour ça. Bah, alors présentez-moi. Donc. Alors je vais juste lister tous les trucs que j'adore. Oh non, il a fait toi. Vraiment beaucoup de choses. Ah bah ouais, ça mais va être très, ouais, très mais il en adore assez peu. J'ai fait beaucoup beaucoup de choses. Non, mais il en j'ai adore listé peu, tous les trucs que je kiffe, d'accord. Dis les choses que t'aimes bien. Trois. Les mots d'Eric et Ramzy. H. Le spectacle au Palais des Glaces. Des trucs des années 60. Juste, c'est long. Mais c'est chronologiquement. La tour Montparnasse. La tour de contrôle infernale. Steak, Halal Police d'État, Hibou, son spectacle avec François Rollin, le Ziva Show, les Rats, cette musique ne joue pour personne, coexister balle perdue, le clip des sales gosses de Dadou, quand il a insulté Balkany, à tout le monde en parle, quand il a fait une vie de garde du corps, Moutmout et hors de lui dont il est le héros, c'est Ramzi Bedia. Ouais. Marrant la liste que t'as faite. Elle est exhaustive. Exhaustive. Et très personnelle. Elle est intéressante. Je viens de voir qu'effectivement j'ai une sacrée carrière. Ouais, c'est passé par tous les étages. J'ai l'impression. Putain, mais t'as pas parlé de la pub BNP, je comprends pas. Oh. Et tu sais que c'est la pub BNP, elle est bien. On a fait une pub Quick il y a longtemps aussi. Ah oui, c'est ça. Ah, ça, je m'en souviens. C'était la pub. C'était pourquoi? Oui. Avec du, Bruno. Chacun un burger, non? Non, pour les verres. On faisait la pub pour les verres Quick. T'achetais un Quick. Ah, vous n'avez pas le droit au burger. Non, vous n'avez pas fait le Eric. Omar et Fred, ils avaient un burger. Ouais, Coé aussi. Ouais, mais. Vous avez eu un verre. Ouais. Mais nous, ouais, d'accord. Okay. Moi, j'ai eu le gros burger sur un cheval en Slovénie, moi. C'est-à-dire ah, c'était pour bien. Une pub Quick aussi, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est sérieux. Ouais, j'ai fait une pub Quick. Ouais, j'ai fait une pub Quick avec le réalisateur de Dick and Egg, donc j'étais à me dire, ah, il va me prendre dans des films. Et non. Mais bien sûr que non. Enfin, bien sûr que non. Le réalisateur de Dick and Egg, mange ton burger. Si t'as fait pour une pub Quick, il avait pas pour un film. Mais je savais pas à ce moment-là que c'était film, le réalisateur de Dick and Egg après Dick and Egg. Ouais. Il a fait si Lucky. Avec, il a fait ouais. Non mais attends, il a fait Go Fast. Et Go Fast avec Roche Dizem. C'est le réalisateur du ouais. Connect Go ouais, Fast. Fait. Ouais. Quand on est réalisateur, on fait des pubs. Hein. Bah oui. Je sais que Baptiste Lorbert donne plein d'argent avec les pubs. Ouais. Bah oui. Des trucs pas écolos. Ouais. Il fait genre des OP pour l'écologie et tout. Ouais, non, il fait ces trucs genre. Oui, chinois du sable. Le gobelet, le gobelet McDo que tu utilises comme cendrier, c'est Baptiste qui l'a acheté. Il a bu un McDo. Le mec, l'écologie, il s'en bat. Alors on mange des McDo, on les voit pas. T'as bu un café du McDo. Ravzi, je t'invite à rapprocher un tout petit peu le micro de ta bouche, car il ce n'est pas de la bonne qualité. Voilà. Là, comme ça, on va pouvoir profiter de ta voix. Vas-y. Je suis très heureux d'être au Floatcast. Oh, merci. Il l'a presque bien dit. Alors, pour t'expliquer un petit peu l'émission, Ravzi, c'est des espèces de petits quiz, mais en rapport avec la série que vous venez de promouvoir. Promouvoir. Moi, un mec qui a ça comme buste. Un buste de Ron Burgundy, je suis chez des amis. Bah, ça me fait très plaisir. Je suis sûr que t'es un mec super. J'ai le mug. Ça marche pas avec le mug, désolé. En vrai, le mug. En vrai, ouais, bon. Dans le contexte, tu ferais, ok, pas mais je le prends le mug, hein. J'expliquais que les scorpions étaient constipés. Alors là, t'es quand même ravi de l'apprendre. Les scorpions, l'animal. L'animal. Mmh. Oui, pas le groupe. Pas le groupe. On en a parlé. Parce qu'en fait, en piquant, on leur arrache la queue et du coup, ils gardent la merde en eux et meurent ainsi. Voilà. Attends, quand ils piquent, ils meurent parce qu'ils sont constipés. La queue part en fait. C'est comme les, je sais pas, les lézards, les caméléons. Les abeilles. Et ils chient par le dard. Bah, en fait, c'est le même. L'anus se situe au niveau de la queue. Oula. Mais c'est exactement comme Baptiste. C'est fou. C'est vrai, t'es un scorpion. T'es quoi ton signe astrologique? Capricorne, ah, mais il y a une queue dans le Capricorne. Mais peut-être non. En fait mes parents m'ont menti, je suis peut-être scorpion. Peut-être, scorpion. Peut-être. Mais oui. Peut-être un comportement de scorpion, tu réagis comme un scorpion. Mais c'est vrai. Que s'est-il passé? Excusez-moi, pardon, ouais. Est-ce que l'émission est finie là? Est-ce que je peux y aller? Ça vous fait marrer, mais je voudrais partir. Pars à tout moment. Je comprends. Tu peux, tu pars quand tu veux, tu sais, ici. Non, c'est... Okay, je me suis réveillé, je vais matiner avec vous. Que s'est-il passé le 24 juin 2010? Et ça concerne l'un d'entre vous. Oh merde. Bah, clairement pas à moi. 2010, c'était donc il y a 14 ans. Ouais, 12, 11 ouais, ans. Ouais, quasiment. J'ai voulu ouais. répondre bien et je me suis trompé quand même. 11 ans. Qu'est-ce que 24 juin? Le 24 juin 2010. Bon, ça concerne Ramzi déjà, clairement. Et c'est moi. Peut-être pas. C'est Baptiste, c'est 2010, c'est une Baptiste. Grosse année pour Baptiste. Ah, c'est la création c'est de 10 minutes à perdre? Non, c'était le 3 mars. Alors attention, non, y a... 2010. C'est la création de 10 minutes à perdre, c'est peut-être le 3 mars, mais la première vidéo uploadée sur la chaîne de 10 minutes à perdre, c'est le 24 juin 2010. Ça y est, on ne compte pas, bien sûr. Bah oui, c'est cette fameuse catastrophe. Le deuxième avion s'est crashé, ça t'a sorti ta vidéo. Rappelle ta date? 24 juin 2010. Les tours jumelles. C'est fou, on se souvient. Et Michael Jackson aussi. La mort de Michael Jackson. Et c'était d'ailleurs leur Moi, je passais le bac. Donc j'étais dans une. Je révisais. Enfin, non. Michael, si jeune, il était j'ai, j'ai 30 ans. Ah bon ben, ouais. Vous vous rappelez d'où vous étiez quand Michael est mort? Pas du tout. J'étais chez des potes qui jouaient à la console, qui jouaient à FIFA et qu'on n'avait rien à foutre. Et toi, ça t'avait marqué? Et moi, j'étais pas bien. J'ai appelé mon cousin en pleurant et tout, en disant ouais, Michael est mort. Je vois pas du tout. Moi non plus. Vraiment pas. Vraiment, j'étais à Cannes. Ah ouais, j'étais à Cannes, en bas de l'hôtel Martinez. La question, c'est juste pour te la raconter en fait. Pendant le festival de Cannes. J'étais au festival, ouais. Et entre deux petits fours, j'ai apprécié ce décès. Moi, j'ai le mug du festival de Cannes. Il y a tous les mugs.

Mais j'aime bien Laurent Ruquier. Oui, oui. On lui a tout piqué. C'est plus ou moins les grosses têtes, hein, ce qu'on fait, nous. Donc, tu mais c'est vrai, en plus. Ouais, ouais, ouais. Il a pris un bouvard. C'est plutôt un bouvard. Ouais, c'est un bouvard. Oh, ça va. Non, mais faut respecter un peu. Oh, le Pierre Bénichou de la table. L'Express. On me dit que je le fais bien. Aucune vanne. L'Express. L'Express, ouais. C'est comme ça que c'est mis de Bénichou. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai mis tout le monde comme ça. Ouais, tu fais et après un mot clé. Voilà. Ouais, un peu, regarde, tu lui donnes n'importe qui, peut l'imiter. Quoi. Imite Zemmour. Zemmour. Arabe. Voilà. Ah, j'y étais là. C'est bien fait. Donc, le 23 juin. Peut-être on te relancera sur quelques imitations. Tiens-toi prêt. Hein. Il y a de l'eau au frigo. Pardon, attends, je vais aller le chercher. Non, c'est très gentil, mais il n'y a que de l'eau. Un jus d'orange. Oh, t'en as sérieux? Il y a du coca rouge. C'est du coca rouge. Oh, on est d'accord qu'il est très mauvais animateur. Oui, c'est terrible. On est d'accord. Il est blindé. Moi, c'est pour ça que c'est mon pote, mais en termes d'animateur, c'est bon. Wow. C'est lui qui a le matos, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, moi, j'essaie de gratter parce que. Excuse-moi, t'as pas besoin de lui. J'entends, hein. Le pilier là, le pilier. Lève là le boss. Le maestro. Maestro Flo. Stromae. Sincèrement, tu l'as fait seul l'émission, on perd rien. Ouais. Pourquoi vous êtes à deux, il est... Mais d'ailleurs, même c'est si juste, tu peux peut-être faire la l'air seul et nous, on lance. Bah, ouais, non, la bonne humeur est de retour. Fais-moi une belle bande d'enculés. Tu veux de l'eau? Ah, j'aime bien. Ouais, non, mais tu bois du coca le matin, mais t'es fou. Ouais, oh, ça va. Tu t'es couché à quelle heure, Ramzi? Le matin. T'as pas bu du coca en plus. Hein. Je t'ai vu. Ça dénonce, hein. T'étais là hier soir? Ouais, t'étais là hier soir. Ouais, je suis venu te dire au revoir et tout. Aïe, aïe, aïe. Non, mais j'étais très vite ivre. Aïe, aïe, aïe, aïe. J'étais très, très vite ivre. Bah, hier, t'étais juste. H. Whisky. T'étais ivre morosi. Oh! Enrico Macias. La on m'appelle le mendiant de l'amour. Donc là elle est bien l'émission là. On a rien dit. J'ai les chiffres là. On a rien dit sur les 15-25. Et ton pâte. Mais on vient de perdre les 45-55. On les avait chopés avec Bénichou. On a tout perdu. Tu veux nous refaire Bénichou? Alors, donc le 24 juin 2010, Baptiste, tu faisais limite la paire, donc un peu avant. Je reviens. Tu casses, oh le porc, il s'en est mis partout. Là. Il s'est souillé. Oh, t'es un dégueu, c'est quoi mec. Cette émission? Tout le monde part toutes les 5 minutes. Pourquoi tu fais l'émission avec Audrey? Il est co-animateur lui? Pas vraiment. Oh, non, c'est plus un invité récurrent. Ouais, mais dis-lui, c'est pas lui rendre service. Vous savez, c'est difficile ce qu'il traverse. Ouais, déjà, rien que nous. On fait ASMR là. Là les gens pensent qu'on fait un sketch sur la tête de ma mère, on n'a pas besoin de lui. Non, on a besoin de lui. Surtout sur ma mère. À chaque fois qu'il fait une intervention, c'est de la merde. C'est gênant aussi. Mais ça va pas ou quoi? Non, tu déconnes. On attend que toi. Il me refait ivre mourousi, je me casse. Ah ouais. Mais je te promets qu'il le fera plus. Tu sais que c'est à cause de lui que j'ai perdu des auditeurs. Je sais, à la base, je devais aller. Non, change de pull. À la base, je devais être chez Europe 1, moi. Ah ouais. Je reste là. Bah, je vais te dire un truc, c'est à cause de lui. Mais je sais, mais je le sais. C'est pas fait des crampes à l'estomac. Bah ouais, mais pas de rire, hein. Non. Oh là, pas de rire. Non, plutôt de rire. Non. De chiasse. Bah. Thomas. Adrien. Non. Vous parlez pas de l'alcoolisme de mon père. Tu vois, eh ben, peut-être il faudrait qu'il reste loin. Ouais, il a des meilleurs vannes quand il est pas avec lui. Mais comme Baffy au début, hein, Baffy était derrière sa caméra. Eh ben, c'est vrai, vrai putain. Il faut qu'il soit derrière. T'as raison. Il faut qu'il soit derrière. Hey, ouais, putain, c'est dingue. Le mec le plus drôle. Wow, il fait la coupole. Le mec le plus drôle. C'est le mec le plus drôle. Le mec le plus drôle. C'est le mec le plus drôle. Aïe aïe aïe. Donc Baptiste, 10 minutes à perdre, bien sûr. C'était en 2010. Ouais, ça sera jamais. Ramzy, est-ce que tu connaissais jamais. Avant de travailler avec Baptiste 10 minutes à perdre? Est-ce que tu le connaissais de l'époque? Toujours pas d'ailleurs. Ouais. Mais alors vraiment, j'allais sur 10 minutes, mais il n'y avait rien sur internet à l'époque. C'était le désert. C'est flatteur du coup. J'allais voir, mais c'est parce qu'il n'y avait rien. C'est le seul truc que je connaissais sur internet rigolo. C'est pas que j'aime ce bar, c'est le seul d'ouvert. C'était le seul bar ouvert sur internet. Du coup, j'y allais tout le temps boire des verres chez lui. C'est vrai. Et est-ce que sur le web, Baptiste, t'as appris des trucs qui aujourd'hui encore te servent? Parce que Hors de lui, c'est quand même une série où vous avez. C'est de la télé, d'accord? Mais vous aviez beaucoup de minutes utiles par jour. Il y a un rythme qui était. Il y avait un quand rythme on en parlait, internet. Je retrouvais, voilà, le rythme complètement internet. Complètement rythme internet. Sauf que le rythme internet, on le faisait sur 2 jours, ce genre de timing de 10 minutes utiles par jour. Là, c'était sur 30 jours. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. 30 jours, c'est ça? Ouais. Toi, 29. Passer de 10 minutes à perdre à 10 minutes utiles. Oh, oh. Enrico Macias. C'est Enrico Macias. Rico. Petite imitation d'Enrico Macias. Couscous. J'étais sûr qu'elle allait dire ça. C'est incroyable. Ultra raciste. Mais, putain, merde. Il y avait tellement de trucs à dire. Non, tu veux que je te dise pourquoi t'as dit ça? Ouais. Parce que t'as regardé Family Business. Et dedans il mange du couscous. Mais surtout c'est dans son restaurant. Il a un restaurant de couscous. Bien sûr. Bien rattrapé. Juste, je suis pas en train d'écrire des trucs. Je suis en train de décaler mon rendez-vous d'après. Parce que je suis très bien ici. Oh, c'est adorable. Non, peut-être pas quand même. Je leur avais dit, je vais rester 5 minutes. Et en fait, ça va être à chier. Finalement, c'est bien. Donc oui, tu as appris un peu la façon de travailler sur internet. Ouais. Et est-ce que ça t'est encore utile aujourd'hui? Ah, complètement. Pour gérer les situations bizarres de speed, etc. Où je pense que dans d'autres économies, ça aurait pu prendre plus de temps, etc. Là, le homemade, il faut faire vite, on va trouver une solution et vite réagir. Ouais, complètement. L'école internet, elle est ultra utile. Toi, Ramzy, t'avais déjà fait des tournages aussi. Moi, il faut me laisser tranquille. D'accord, je comprends. Je comprends. On revient quand on chante. À tout à l'heure. Ouais, laisse-moi. Eh ben alors, je vous pose une question. Que permet le site Shit Express? Ça existe, ça? Ça existe. Bon, c'est du shit en 5 minutes. Ah, pardon? Ils te livrent du shit en 5 minutes. Non. Non, c'est pour commander de la merde. C'est pour commander de la merde. Mais en quel putain, mais ça existe alors. Génial. Ah ouais, désolé. Ah, des objets de merde. Non, des non, trucs non. Nuls. Non, pas de la merde. Non, est-ce que tu peux. De la matière fécale. De l'authentique merde. Est-ce que c'est pour. De l'authentique merde. Mais tu peux pas, toi, donner ta merde pour la livrer à quelqu'un? Alors, non, ça non. Si tu peux, mais peut-être pas avec ce. Est-ce que c'est pour la greffe de merde? La greffe de merde. Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'ai une maladie. En gros, les gens qui ont un dérèglement de la flore intestinale, ils se font greffer de la merde saine pour que ça. Comment tu fais greffer de la. C'est-à-dire, ils te rentrent avec des agrafes. Je crois que c'est avec un truc que t'ingères, une gélule. Gélule, gélule de merde. Mais c'est à l'intérieur d'une gélule, tu t'as pas le goût de la merde dans la bouche. Oh bah alors. Sauf si tu manges la merde. Sauf si tu l'ouvres et tu. Avec du beurre de cacahuète. Enfin, je sais pas, j'imagine. J'ai jamais fait ça. Tu casses la gélule. J'ai jamais fait ça. Dans un mug. Un pote qui l'a fait. Dans un mug. Non, Shit Express, effectivement, mais alors pas de façon un peu particulière. Donc c'est effectivement pour livrer de la merde. Non, c'est pour faire livrer de la merde à quelqu'un qu'on aime pas. Exactement. Ah, envoyer de la merde. C'est la merde de qui? Alors c'est de la merde d'animal. C'est de la merde de cheval. On peut pas choisir l'animal. Bah, à l'avenir, peut-être que une idée qu'on pourrait se mettre. De la merde de Varan. J'aurais aimé. D'Olivier Varan. Oh la la la. Le gouvernement français rhabillé pour l'hiver. Petite imitation d'Olivier Véran, peut-être. L'agriculture. Non. Oh, masque. Covid, ouais. Masque, ouais, putain, masque, ouais, bon, masque. C'est ouais, quelque chose. Mais tu bossais à son jardin, quoi. Tu veux pas que le temps est à 100%. Bah ouais, non, tu vois, c'est un peu en dessous. Et ouais. Même Cantelou, des fois, il est pas. Ouais, il se repose. Est-ce qu'on pourra dire mes dates de spectacle? Et on va pas Cantelou, j'adore Cantelou. Ah ouais. Ok. Quand il fait le ministre asiatique, j'adore. Quand il fait Ségolène Royal. Donc. C'est. En termes de structure, on est béton. Je pense qu'il y a eu un avant et un après l'arrivée de Ramzy. C'est déstructuré avant? Un peu plus, non, mais pas fou. Non, ça va, pas ça fou, va. Pas non, fou. Non. Donc le site, bien. Par contre, propose également de choisir l'emballage du caca parmi simple, mignon ou cérémonial. Et moi, je plains les livreurs en fait. Ah, tu crois? Oh, ah oui. Bah, ça doit être bien emballé, j'imagine. C'est un homme proche de, du peuple. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est tu ne poses pas la viola, tu penses à l'ouvrier. Mais bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait lui. Évidemment, ça c'est Bénichou qui m'a pris ça. La merde dans, un, dans une enveloppe. Quel point commun ont Ramzy Bedia, Lil Jon et Exhibit? Ramzy peut-être le sait. Bah, c'est trois excellents rappeurs. Alors, Pimp My Ride. C'est Pimp My Ride, exactement. Je suis dégoûté de ce Pimp My Ride que j'ai fait. Bon, après, pourquoi? Parce qu'on avait un producteur qui voulait faire exactement les mêmes plans que les Américains. Ah ben non. Et je lui disais, non, viens, laisse-moi faire. Et tout le monde, non, il faut faire exactement les mêmes plans. Et tu regardes l'émission, c'est bidon. Bah oui. J'étais dégoûté. Parce que c'est à Argenteuil, et c'est pas à Los Angeles, quoi. Ouais, mais il fallait me laisser faire, et ils m'ont pas laissé faire. Ah, scoop! Aïe aïe aïe aïe aïe, ça a 15 piges. C'est un vieux scoop. Ouais, mais justement, on est très fort sur les vieux scoops. On dirait le scoop, mais on est numéro 1 numéro sur les vieux scoops. Mais on va dire son nom, gars. Non, non, non. Non, non, non. Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. Arrête, le dire. Non, le c'était Pascal Pro. Oh! Non, il a dit. Putain. Baptiste, sache que les j'ai prévenu les auditeurs de votre venue. Déjà, ils étaient trop contents. Oh. Bah, je l'ai à te le dire. La série a l'air plus poétique que son pitch laisse à penser. Alors là, je cite un auditeur. Là, bon, c'est fini les news, hein, c'est ça? C'est fini les news. Okay. Là, on est en quoi là? On là, c'est les questions des auditeurs. Mais il n'y a pas de jingle. Okay. Pas de... J'adore, c'est super. Vas-y. Donc, Baptiste, la série a l'air plus poétique que son pitch le laisse à penser. Au vu de la bande-annonce, quelles étaient tes influences de metteur en scène? La réponse m'intéresse. Ah oui, moi aussi. Moi j'en connais une de tes références, tu me l'avais dit. On va t'interrompre tous les deux. Venez, on devine ses influences. Ciné Lumette. Ah, le Ciné Lumette dans la préparation du tournage. Baisse les yeux, fils de crèche. Ah, t'as lu le bouquin? Ouais. Putain, je vais traiter Baptiste de fils de. Ouais, je sais pas ce qu'il m'a pris. C'est une imitation qui a surgi. C'est dur là. Je suis désolé. Donc, tu as lu le livre Faire un film de Ciné Lumette? Ouais, que je conseille à tout le monde. Bah non, les gens qui veulent faire un gâteau. Nico, putain, Nico. Nico. Ouais. Mais oui. Ouais. Mais je saigne du nez aussi. Bah, ça dépend parce que pour allumer la gazinière, tu peux utiliser une Sydney allumette. Oh ouais. Ah, il est temps d'arrêter. Non, non, non. C'est moi, c'est allumette. En plus, à l'heure de. Je suis allumette. J'ai mug, Marabou. Ah, ouais. Tu comprends ça? De l'économie. J'ai mug, pip my ride. Moi, encore une, je me casse. Non, je comprends. Et ce sera normal. Allumette, je suis à deux doigts de partir. Sydney allumette, elle est dure. Ah ouais. Elle est dure. Je vois où tu veux en venir, Ramzy. Mais non, tu vas voir. Donc, quelles étaient tes influences? Est-ce que t'as pour vous calmer un peu. Ouais, j'en avais Steven dans tu vois, on tu vois, fait. Tu prends goût. Excusez-moi. Tu prends goût. C'est le meilleur client du monde pour ça. Mais oui, il adore. Ça peut durer une journée, quoi. Steven Briquet. Tout c'est a priori. Non, j'en avais plusieurs. Dans le jeu, par exemple, j'ai dit à tous mes comédiens de regarder Le Goût des Autres pour ceux qui l'avaient pas vu. Ça m'a dit de regarder Ozark, moi. Ça c'est pour la structure de ton personnage, pour l'évolution de ton personnage. Après pour le pas style, tous les persos du coup les persos pas des autres. Moi tu m'as rien pour le jeu rien, pour le naturalisme. Ouais, mon personnage a trois noms différents dans le script. Vraiment Ah oui, pour le jeu naturaliste que j'aime beaucoup le réel et après pour l'image pour j'étais le style Gérard, moi j'aime Jim Jarmusch mais j'ai pas fait du Jim Jarmusch. Oui, mais j'adore Jim Jarmusch. J'ai plein d'influences différentes. C'est une sorte de pot-pourri. Oh, un peu pour. Est-ce que tu veux que je saute tes questions? Parce qu'il y a des questions pour toi. Vas-y, envoie une pour voir. Non, dis toujours. On tente et puis on avise. Ouais. Tu vas voir à ma tête. Ramzy, outre tes spectacles avec Eric Judor, je suis fan du spectacle éphémère que tu avais fait avec François Rollin. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser à nouveau, la scène? Alors, on fait décrire. Une question pour Baptiste. Ouais, Ramzy s'est versé son jus d'orange sur la tête. Je suis mentaliste, je pense qu'il a pas. La scène est, effectivement, la scène est une. Une effectivement, la scène me manque énormément. J'aimerais beaucoup remonter sur scène car rien ne vaut les sensations avec un vrai public en face de soi. Oh. Bravo. Mais quand il y a les rires en direct. Effectivement, rien ne vaut la sensation des rires en direct en face de soi. Comme là. Il est pro. Il est super pro. Mais c'est vrai. Il adore ça. Bah, comme Pascal. Là. Oh. Allez, non, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec un briquet. Est-ce qu'il y a un artiste avec lequel vous tous autour de la table vous rêveriez de bosser? Will Ferrell. Will Ferrell. Will Ferrell, ouais. Ah ouais. Fois 1000. Adrien, pas trop. 600 000. Steve Carell aussi. Toi, tu veux dire Steve? Non, mais en deux. Non, je sais pas. Bah, moi, il y avait Bakri, mais bon. Ah, là, là, bah, super, il faut qu'on cite les morts aussi, là. Ça va, quoi. Bah, bravo, merci de mettre une ambiance comme ça au podcast. C'est un podcast drôle, pas un podcast morbide. Donc, tout à fait. Pas que, d'ailleurs. En vrai. C'est dans la description. Podcast drôle. Podcast drôle. Pas morbide. Ah ouais. Non, et sinon ? Non, moi, Michel Blanc. Ah ouais. Ah, ouais. Ah, ah non, on ferme bien sa gueule là. La musique dans la peau est parée. Non ouais, Michel Blanc ouais. Donc ouais, oui, et en français, Baptiste. On passe très vite sur ma. Ouais. Michel excuse-moi, Blanc. Pardon. Non, non, mais non, bah pourquoi non, mais Michel Blanc, bah vas-y. Régale-nous. Mais non, mais il y a aussi Alain Chabat évidemment. Oui. Mais Michel Blanc, mais je sais pas, en fait, je me suis rendu compte, c'était il y a 5-6 ans, où j'étais en train de faire le montage d'un sketch dans lequel je jouais, c'était L'Homme Invisible. Bien sûr. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux à quel point. Dans lequel je jouais également. C'est vrai, c'est vrai, on était tous les deux. Et en fait, en faisant. Bon, merde, je peux parler. T'as le livre de Michelle Obama. Bon. C'est ma meuf, ça. Ah, ça m'énerve les gens qu'on se livre. Ouais, c'est ma meuf. Tu veux que la quitte ? Ouais. De toute façon, plus personne n'écoute. Clara. Vas-y, vas-y. C'est stylé, Clara. Non, non, non, mais tout va bien. Bon, on a mal compris. J'ai choisi. Ouais. Je suis méga fan de toi. Ça te gêne pas ? J'ai choisi une. Tu as appelé Sabri, ton fils ? Oui, bien sûr. C'est Michel Blanc, donc. C'est ouais, rare ouais. Qu'on cite Michel Blanc comme acteur préféré. C'est vrai. Non, mais je me suis rendu compte à quel point. Autant je savais que Chabat, dans ma façon de jouer, je me disais, ah là, influence Chabat. Et en fait, ça m'avait sauté aux yeux à quel point j'avais été influencé par Michel Blanc. Sans t'en rendre compte, tu veux dire. Sans m'en rendre compte. D'accord. Bah, de toute façon, non, je plagiais pas sciemment même Chabat ou les autres, tu vois. Gros plagiat. Gros plagiat, ouais. J'ai basé ma carrière sur un plagiat. C'est quoi ton film préféré de Michel Blanc? Mais en vrai, moi. Et voilà, il ment. Les bronzés fondus qui vont. Non, mais en vrai, ouais, moi j'ai grandi avec ça. C'est pour ça que ça m'a tellement influencé. Quoi. D'accord, il cite pas de film. Allez, on enchaîne. Dit, et en plus, dit les bronzés, les bronzés fondus qui. Les bronzés fondus. Et les bronzés 3, bien sûr. Je plaisante, évidemment. Non, mais. Non, mais en plus, moi, avant que je te connaisse, je me disais ça de toi. Je disais. Ah. Pour moi, c'est le nouveau Michel Blanc. Ah ouais. Dans le sens. Non, mais dans là, le sens... il se le dit plus. Non, 5-6 ans après, il se dit peut-être plus. Il a le mug des bronzés. Peut-être. Non, c'est pas ça, c'est que t'avais cette capacité à avoir conscience de ce que les gens projetaient sur toi. Et je trouve que Michel Blanc, dans Les Bronzés, dans tous les films du Splendide, il a conscience de ce qu'on projette sur lui, c'est-à-dire ce côté un petit peu victime ou un peu ratatiné. Et quand un acteur a conscience de ça et qu'il en joue. Il devient un excellent acteur, c'est je vrai. Trouve. Alors, c'est pas une chute d'audience folle, ouais, mais non, on perd mais... une centaine de gens. Non, c'est vrai. Oui, mais justement, c'est pour ce mon petit... ego, c'est très très bien. J'en ai rien à foutre qu'on perde du monde. Sache que notre ego passe bien avant les auditeurs dans cette émission. On vient de perdre 104 personnes. Ouais, bah, c'est rien. Très peu c'est par rien. Rapport au nombre de hey, t'es on un est... peu Michel Blancassé. Pas mal. Ramzy est en train de se casser là. Ah non, non, non il va applaudir. Il va applaudir au frappé. On sait pas. Sait pas trop. Baptiste, qui a fait la musique de la série ? Simon Murray. La musique est très cool. Il y a un côté un peu avec les sifflements. Il y a un côté la Simon chèvre. Simon Murray Head. La référence, c'était coup de tête. La différence, c'était coup de tête. Oui, coup de tête. Totalement, c'est ce que j'ai dit. Mais il est super le thème. La musique est vraiment bien. Qui a fait la musique de Groom aussi ? Voilà. D'accord. Tu veux ? Je vais lire dans tes pensées. Ok, vas-y. Déjà ah. Bon, il répond au téléphone, ça. Ça va pas, Baptiste. Au téléphone. C'est pas du tout. C'est ma femme. Nabia, hey, c'est sa meuf. Il est amoureux de sa meuf. Bouffon, nul. Canard. Vas-y, mange ta merde. Bouffon, canard WC. Eh, hey, nous on répond pas à nos meufs. Non, on mec, on kiffe. Allez. Eh, si ma meuf m'appelle, mon gars. Moi aussi. Ça sonnait, mais qui c'est ? Je vais ouvrir. Non, c'est ma concierge. Je pense. C'est ta concierge. Ah bon ? À cause du bruit. Mais attends, ça. Ah ! Ça va lui faire. Non, mais c'est drôle. Attends. Il y a un happening. C'est pour moi ? C'est nous, merci. Tu dois signer quelque chose ? Non. Vous voulez faire l'émission un peu avec nous ? Alors j'ai reçu un colis Amazon. Schneider. Bonjour. Schneider. Assieds-toi, Schneider. Schneider, tu peux t'asseoir. Alors Schneider. Bienvenue. Tu viens de nous livrer un colis. Un colis Amazon. Oui, tiens, bah donne-le-moi. Je vais l'ouvrir. Sur nom Clara, c'est ta main. Ah, c'est pour ma main. Ah, bon. Ouais. C'est pas grave. Oh, c'était lourd. Bienvenue. Ah, ça va bien. T'as pas de wifi chez toi ? T'es venu faire du téléphone ici. C'est ouf. Ça va, Schneider ? Ça va. Ça va. Je te présente Baptiste. Baptiste, Florent, enchanté, Adrien, Ramzy. Nicolas. Et t'es en direct sur Floodcast. Floodcast, exactement. Floodcast. Voilà. Bah, vu ta participation, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. C'est pas sympa. On va te laisser aller taffer, on a bien rigolé. Ça te dérange pas d'être dans notre podcast? Non, c'est bon. Schneider, tu viens d'où? Explique-nous un peu, tu es qui? Moi, je suis livreur Amazon. Livreur Amazon, tu viens d'où? Tu as 77 ans. T'habites où? J'habite à Saint-Patrice, là, 77. Tuck, 77. Ça va, ça taffe sérieux, dur, ça ouais, charbonne. Ça ouais, on regarde sa vie. Eh bien, merci Schneider. Merci Schneider. On peut l'applaudir. Merci. Merci pour le colis et bon courage. C'est le moindre des respects que je puisse vous accorder. Merci beaucoup. On a des happenings comme ça, il y a un livreur Colissimo qui va nous rejoindre dans 20 minutes. Et on va faire la comparaison. Ouais, on va faire la comparaison. On va faire un moment de télé. Bah oui, mais moi là j'ai l'impression de revoir la télé que quand je te voyais avec Eric. Bien sûr. Là je suis ému. Voilà. Je pisse. Non mais un peu. Foutait le bordel parce qu'on se fait chier là. Mais oui, bah oui évidemment. Mais ouais, donc là, nous, pareil. Nous, comme on se faisait chier, on était content de vous voir foutre le bordel. Exactement. Moi mes parents. Et après c'est devenu le teaser quoi. Genre regardez, ils vont foutre le bordel. Ouais, c'est ça. C'est du coup. C'est quand ils ont commencé à vous prévoir. Ils ont chié sur la table. C'est quand ils ont commencé à vous prévoir des pistolets à eau. C'est quand on arrivait, ils nous disaient vous y allez. Vous y allez. Tu le fais pas. On arrivait, on nous disait ça, ça y est. C'est gâché malheureusement. Et comment il s'appelait ce mec qui était toujours en slip avec des tartes à la crème avec un accent américain? Django Edwards. Django Edwards. On fait une émission avec lui. Il arrive sur l'émission, il fait le fou, il jette des trucs, il me dégueulasse une veste toute neuve que je m'étais achetée, super veste. Et il fait le foufou, il me nique ma veste. Je suis un peu vénère. Je vais le voir en loge après. Il vient et fait alors, c'était marrant, je fais non, c'est pas marrant ce que t'as fait. C'est pas marrant et tu m'as niqué ma veste. Ah ouais, mais c'est la télé. Je fais non, c'est ta mère la pute. Bon, ce que tu vas faire, tu me rembourses ma veste. Je fais non, c'est comme ça, c'est marrant. Et j'ai été dans sa loge et je lui ai volé une veste à lui. Je lui ai dit, je te prends donc une veste. Donc t'as une veste de Django Edwards. Il était un peu triste. Oui, j'ai une veste à paillettes que j'ai pris dans ses affaires. Je fais, je te la prends, c'est ta veste, je te la prends. Je fais, mais arrête, tu peux pas faire ça. Il n'y a pas les caméras. J'ai une veste de Django Edwards. Moi, je limite mieux Django Edwards. Le slip. Mais il était cool ce gars. Mais oui, bah ouais, qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs? Il doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Moi, je suis mort du Covid, je pense. Il est pas mort. Non, il est pas mort, mais bon. Vous avez la preuve? Alors là, franchement, je googlise devant moi aussi. Je veux googliser du Alors, venez, on googlise tous. D'or, c'est nul. Jean Messia. Question pour les invités autour de la table. C'est un bel homme, Jean Messia. Il est très beau. Beau physiquement? Oui, c'est un bel homme. Ah ouais? Je sais pas. C'est une vanne. Hein. Ouais. Ah, okay. Vraiment, vous pensez vraiment qu'il est gosse? J'en sais rien. Bah non, mais j'adorais Flo qui était là. Oh, je sais pas. Moi, je me prononcerai pas. Tu vois. Non, je suis parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars où je me dis, peut-être je peux avoir le dessus bon, physiquement. Messia, quand même, Jean Messia, je pense que oui. Oui. Ah, il y a très peu de gens qui sont forts à la bagarre. En bagarre, le niveau 0, c'est Gilbert Dès. Gilbert on démarre à 0, c'est Gilbert Dès. Tout le monde peut battre Gilbert Dès. Il s'était capable de prendre une. Peu importe l'âge. Mais si, Joey Star, ce qui est trop marrant, c'est qu'il a mis une toute petite claque et il a saigné. C'était comme s'il l'avait fracassé. Mais il n'y a même pas besoin de Joey Star. Hein, ouais, c'est vrai. Tu vois Florent Pagny, il te l'a dit. J'adore. Florent Pagny qui texte Gilles Verdez. Tex, le bas. Mais tout le monde bat. Il y aurait une émission de télé-réalité comme ça. Il s'appelle Tout le monde bat Gilles Verdez. Des combats comme ça. Oui, mais le but c'est de se faire niquer par Gilles Verdez. Personne, il peut battre personne. Ouais, mais c'est ça le truc. Il y a 3 millions d'euros à la clé. Si tu te fais battre par Gilles Verdez, c'est impossible. C'est un jeu de Squid Game. Ouais. C'est impossible. Aux USA, il y a vraiment la mode du sketch show depuis des années. Est-ce que c'est un truc qui vous, autour de la table, pourrait vous chauffer? Sketch show. Les émissions de sketch. Tu sais, c'est les genre le Saturday Night Live, bah, ou samedi soir en direct que t'avais fait. À tes soirs, Ramzy. Alors, un sketch show. Est-ce que par exemple, ce que faisaient les inconnus avant, c'était des sketch shows? Ouais, les nuls, les inconnus. Totalement. Ouais. Le SNL. Key and Peele aux États-Unis, des trucs comme ça, c'est des sketch shows. Guy and Peele. Key and Peele. Guy Montagnier and Peele, ouais. Je ne fais pas parce que je respecte les autres. Il fait des sketchs, là, Guy Montagnier, où il fait pépère, là. Ah, Guy Montagnier, oui. Ah oui, c'était l'ancêtre des bonhommes. L'aveugle, là, Guy Bande Montagnier. Bande de petits salopards, là. Ouais. Oui, mais non, mais il faisait des sketchs sur YouTube avec sa Guy meuf. Guy Montagnier qui faisait des blagues, là, avec ouais, sa meuf. Avec ça, sa meuf. Tu te rappelles de ce sketch-là. C'est pas, il y a pas longtemps, hein. Ouais. Quand il même, Guy Montagnier. Sur Internet. Non, c'est sketch avec sa meuf, là. Il a effectué un comeback. Des sketchs nouveaux de Guy Montagnier sur Internet, ouais. Bah, là, il en fait plus parce qu'il a des problèmes de santé, je crois. Ouais, je crois. Mais là, à l'époque, il était revenu lourd. On les appelait les nouveaux Batégaël. C'est vous dire à quel point ils étaient. Il plaisait aux gens. Donc ouais, est-ce qu'un sketch show, parce que par exemple Baptiste, tu as fait beaucoup de sketchs avec Studio Bagel, avec 10 minutes à perdre, est-ce qu'avoir une émission, parce que c'est un peu dans les milieux humoristiques, j'ai l'impression que c'est un peu l'arlésienne quoi, c'est un truc tout le monde veut faire un sketch show, mais Avant j'aurais dit ouais, aujourd'hui moins envie de raconter des plus grandes histoires que des petits sketchs, on en a fait beaucoup. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est pas mon envie de maintenant, j'ai plus envie d'aller aux toilettes. Ah ouais, bah vas-y man, c'est là-bas. Mais non, parce qu'après je vais y aller, parce que je vais partir dans 2 minutes. Oh là là, t'as dit 45. Ah bon, tu mens. 40, j'ai dit 40. T'as dit 45. Non, 40. Alors là, il y a des caméras. Il m'a dit 40 hier, si je peux me permettre. Okay. Il t'a peut-être dit autre chose. Alors on amène Gilles Verdez et vous vous battez. vous battez immédiatement. Bon. Adrien. Mais, ouais, bah oui, ouais, grave. Moi j'aimerais trop un sketch show. Après, bah, parce que n'importe quoi, ce qu'on me propose, je dirais oui. Mais... un mug de sketch show. Non, en plus, c'est faux pour le coup. Mais non, un sketch show, bah oui, c'est. Bah, on parlait de Key & Peele tout à l'heure, c'était un peu la grosse référence il y a 5-6 ans, tout le monde. Tous les sketchs sur Internet. Que par, c'est vrai. Ouais. C'est pas la première fois que j'entends parler. Bah, ça va plaire, je pense. Tu vas adorer, je pratique l'humour, moi. You speak English. Oui, ça explique. Yes, you will enjoy King a lot. Ça peut complètement être. C'était la grosse ref des sketchs et tout. Je te ferai une petite sélection de sketchs. Avec tu veux. Obama et tout. Non, je découvre Obama, là. Tu vas kiffer. Je te ferai une petite sélection de sketchs de King Pillar Garden. Un petit URL, il y aura tout disponible. Ça vaut pas mes imitations, mais tu vas kiffer. Ouais, c'est vrai que ça vaut pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est ce que je me demande. Et ouais, bah oui, et du coup, faire un truc comme ça, oui, bien sûr, le rêve. Toi, t'avais kiffé l'expérience quand t'avais fait samedi soir en direct. Je vais sur des trucs très pointus. Même plus. T'en souviens plus. Ah ouais. Donc, peut-être une expérience pas. Je me rappelle même plus. Franchement, depuis Les Inconnus, moi, j'ai... Là, c'est et ça t'a jamais tenté, toi, parce de que faire... ça, c'est des sketchs en live. Oui, en plus, c'est plus dur. Non, mais les deux, je crois. Et le samedi soir, en plus. Ouais. Non, mais c'est en direct, quand même. La semaine, tu bosses, le week-end, t'arrives. C'est vrai, tu dis, le samedi, je vais me reposer, bah même pas. Les nuls, l'émission, quand même, il y avait. Moi j'étais plus Les Inconnus. Ah ouais. Moi j'étais Les Inconnus à fond. Moi j'étais plus Les Inconnus. Moi j'étais plus Les Inconnus. Toi vous étiez nul vous. Ouais. Moi j'étais Les Inconnus. Ah mais. Ouais, c'est deux écoles hein. Non mais en vrai j'aimais les deux. Mais oui, j'aimais les deux. Mais moi sketch show oui ça me plairait carrément. Mais comme on disait sketch show entre guillemets à l'américaine, même si c'est nul comme phrase, mais avec une vraie exigence en fait de jeu, d'écriture, ouais, de comédie, et je trouve que c'est pas toujours le cas dans les. Il y a pas toujours les moyens. On en a fait. Oui on en a fait un peu. On en a fait un peu. Mais toi, le sketch vidéo, même avec Eric, vous en aviez pas de temps fait. C'était pas trop et votre truc. Et alors, quoi, qu'est-ce que c'était? Non, moi, c'est la honte en fait. Non, c'est vrai qu'on en a pas. On en a pas fait. Non. Voilà, c'est pas la réponse. Non, mais elle est bien. Truc, mais après, elle est bien. La réponse, la question, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Non, mais voilà, j'en ai pas fait. Voilà. Est-ce qu'on voulait savoir si vous étiez, si vous l'avez proposé, si votre truc c'était plus la scène ou On a fait énormément de sketchs sur scène. Ouais, c'est vrai. On a fait des sketchs partout, sketchs show, pourquoi pas. C'est juste une manière différente de proposer des sketchs. Magnifique. Il retombe toujours sur ses pattes. C'est un chat. C'est ça. Oh, chips. Ouais, putain. Tu seras cocu avant moi. Ah non, je suis Gaël. C'est Shamsi Bédia. Non, celle-là. Non, non, non. On arrive à la fin. Il y a du montage. On arrive à la fin de l'émission. C'est les recommandations culturelles, Ramzi. Je t'ai déjà prévenu en amont. J'ai totalement oublié. Il faut que je recommande culturellement. S'il y a un truc que t'as kiffé récemment, que ce soit un bouquin, un film, une série, une chaîne de télé. Des meufs. Des bons plans. Des trucs. Non, vraiment, non. Survivastreet. C'est vraiment Survivastreet que ça se passe pour moi. Culturellement, je vous conseille Viva Street, la rubrique Rencontre sans lendemain. Ah, ok, ouais, très bien. C'est mon conseil culture. Les auditeurs apprécieront. Oh, ceux qui connaissent Viva Street. Tiens, j'ai rencontré ma femme, moi. Ah, ouais, belle histoire. Des contes de fées. Ouais. Baptiste, Papoum. C'est pas forcément un truc récent, hein, ça peut juste un truc que t'as. Que t'as alors, le truc récent, c'est Papoum. Alors, qu'est-ce c'est que quoi, c'est Papoum? Papoum, c'est ce que je lis à ma fille. C'est... Oh, il nous a mis sa gueule dans la gueule. Il veut mettre de la tendresse. Et alors, pour l'anecdote, on s'en branle de ta fille, t'entends? On s'en branle des enfants. Putain. Vas-y, c'est un truc que j'ai récupéré. C'est des vieux trucs que j'ai récupérés qui sont de 2016. Et à un moment, je lis le truc. Donc, Papoum, il y a le petit Jules qui est très très blanc, très blond, etc. Et à un moment, il faut faire attention à qui? Au chat qui s'appelle comment? Et je vous jure que c'est vrai. Il s'appelle Cohen. Bamboula. Oh ah non. Et là, t'es là, genre... Ah bah alors. Attends, il y a deux secondes. Attends. Il a écrit Bamboula, là. Éditeur du sort. Alors, allons au bout de ça. C'est un chat noir. Et plus... non, il était blanc, le... Ah, non, ils ont pas été au bout. Ils ont pas été au bout. Donc, tu le conseilles? Je le livre raciste de ta fille. Voilà, voilà. Je conseille Papou. Papou. Nicolas, un truc que t'as apprécié récemment? Moi, il y a un truc que j'ai kiffé vraiment, c'est sur Netflix, pour ceux qui l'ont, c'est Un Roi. Monde là, tout le monde là. Fermez là, je vais vous gifler. Un Roi, ça s'appelle. C'est Mon Roi. Non, c'est Mon Roi. Mon Roi. C'est le pervers narcissique. Un Roi. Mon Roi. Pierre Mon Roi. Le Roi Merlin. Le Roi Merlin. Merlin l'Enchanteur. J'ai kiffé le rayon boulon. Le rayon boulon à le Roi Merlin. Un Roi Merlin. Un truc. C'est vrai qu'ils ont un Roi Merlin. Mon Roi Merlin, ouais. C'est un film de deux heures d'un mec qui. Pervers narcissique. Ah ouais, pervers narcissique installe un parquet flottant. Ah, il dit ah ouais. Un tuto. Il dit ah ouais, vous allez faire quoi avec un marteau? Vous allez même pas savoir vous en servir. Ah oh, non, je plaisante, vous allez grave bien vous en servir. Merci, je l'achète. T'es nul à poser du parquet, un mais roi. Vas-y, fais-le, t'es la meilleure. Un Roi avec Timothée Chalamet. Bien Nico, sûr, l'acteur. Pardon, Nico. Chalamet. C'est une excellente vanne que tu viens de faire. Mon Roi Merlin, un pervers narcissique qui met du parquet flottant. Pour moi, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est collégial. C'est collégial. Faisons un sketch show, en fait. Là, c'est un sketch show. Tu vas bien régaler. Là, c'est un sketch show. C'est un petit mais. Là, les auditeurs sont heureux. Des friandises. Ah oui. C'est Halloween ou quoi? Ah bah oui, ah bah oui. Donc Un Roi. Un Roi, ouais, j'ai kiffé. Ouais. Ça parle de quoi? Qu'est-ce que... Ça parle de quoi? Ça parle de, du début de la guerre de 100 ans. D'accord. Oh bon, ouais. Alors, allez, c'est le moment d'y aller. Tellement chiant. C'était un grand plaisir. Écoute, est-ce que tu peux rappeler? Mais il se rend compte, il chie de l'or. Le 12 novembre. Ah, ah, ça t'intéresse, ah, ouais, hein. Ah, pauvre con, on va retourner sur France.tv. Et il faut dire une chose, c'est gratuit France.tv. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a des super séries. Il y a des super séries. Derby Girl, Stalk, Parlement. C'est ça, Derby Girl. Non, tu mélanges avec Slash. Non, c'est gratuit. Ça reste gratuit. Et non, vraiment, c'est gratuit. Donc, toute la série à partir du 12 novembre, je pense. Il y a 8 minutes de pub avant, par contre. Ouais, ça, ah ouais, c'est vrai. Mais c'est des jolies pubs. Non, 8 minutes, non, mais c'est des jolies pubs. Non, c'est des pubs pas mal. C'est des pubs que j'ai raconté. J'ai loupé mon train. Ah, merci beaucoup. Ah non, mais vas-y, évidemment. Oh là là, mais écoute, mais il y a des trains. Nico, il a raison, tu vas pourquoi? Tu vas voir tes ruches de merde. Tu vas regarder là comment. Ouais, je vais vérifier. Je vais mater le cul de tes abeilles. Oh, c'est inaudible. C'est clair, tu vas rien pouvoir faire. Si Bastille s'en va, là, c'est fini. Non, il reste 5 minutes. Tu ne bouges pas d'ici, tu m'entends? Écoute-moi, tu ne bouges pas d'ici, tu m'entends? On a l'interview carrière, on va revenir sur tout. T'es dans une faille temporelle. Tous tes films, moi, un par un. Plus Baptiste, tu restes. Je comprends. Tu restes. Je comprends. Mais il reste 5 minutes. Ferme à clé, Baptiste, en partant. Je t'offre le buste. Non, attends. Le chauffe pas, hein, parce qu'il va te le prendre. Attention, dis pas ça deux fois. Non, je l'ai dit qu'une. Je l'ai dit qu'une fois. Je le répéterai jamais. Et donc, ça s'appelle Un Roi, c'est avant la guerre de 100 ans. C'est un peu chiant. Ouais, non mais voyez-le parce que je vais très mal, je vais le pitcher, ouais, aussi bien que j'imite le voir. Je vais le pitcher, ouais, aussi bien que j'imite Benichou, donc laisse tomber. Adrien, j'ai rien. OK, j'ai rien du tout. C'est quoi? Non, écoutez-moi, mais bien. J'ai complètement oublié. Écoutez-moi bien. Ça fait 1h24 qu'on parle. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, moi, je pense aussi. Moi, je pense qu'en vrai. Et puis, on a balayé plein de sujets. Salut, Baptiste. Au revoir. Salut, Baptiste. Ami, il a un kawaii. Ami. Putain, mais ah, quel t'as un kawaii. J'ai pu le trouver hier, Ami. Putain. C'est vraiment un bobo. Hein? Non, t'inquiète, mec. Salut, Baptiste. Salut, Bat. Bisous. Mais quelle hypocrisie, ce mec. Pourquoi t'as fait cette série? C'est quoi? Parce que j'aimais bien Baptiste. Mais quand, avant de le rencontrer, oui, bah, tu l'aimais bien. Ouais. Ouais. Mais c'est un gars sympa, il est sympa, mais il a ses limites. Quoi. Il est pas méchant, mais bon. Ouais. Non, voilà, vous le connaissez mieux que moi. Ouais, c'est pas Scorsese. Je vous apprends rien. Non, mais c'est pas Scorsese, mais c'est même pas. Non, oui. C'est à peine un gars qui s'est filmé. Enfin, oui. C'est le gars, arrête. Ça. Bah, ça va d'ailleurs. En vrai, moi j'étais à la projo hier, ça se voit, quoi. Mais il y avait un problème. La réal est en dessous. Ouais, bah, d'accord. En fait, sous prétexte de. Elle est en dessous des acteurs parce que le cadre est bizarre. Et très bizarre. Et là, il vient de dire allez sur France.tv. Moi, je vous dirais le contraire. N'y allez pas. N'y allez pas. Allez sur CNews. CNews, qui est beaucoup mieux. Ou sur Netflix, regardez Mon Roi Merlin. Mon Roi Merlin sur Netflix. Donc, Adrien, rien du tout. Non, c'est une bonne rubrique culture, ça, avec Adrien. Eh vas-y, toi, tu fais le malin. Alors, eh ben conseille des choses, je suis sûr. Moi, tu veux que je conseille un truc? Vous voulez que je conseille un truc que j'ai kiffé? Ah, de ouf. Ouais. Alors, je vous conseille à tout le monde d'aller voir Monsieur Fraise. Moi, j'avais vu Monsieur Fraise, mais c'est Madame Fraise que tu Maintenant, que c'est Madame Fraise. Je pense que c'est l'homme le plus drôle, pas de France, mais peut-être du monde. Ah, vraiment. C'est pas peu dire. Vraiment. T'as tourné avec lui? Un peu, j'ai vu son spectacle 10 millions de fois. Ouais. C'est rare un spectacle où t'es allongé par terre de rire. Je te jure, dans la salle, suis par terre de rire. Allongé de rire. C'est pas comme tous les autres spectacles où tu souris. Ah, oui, pas mal. Là, t'as mal au ventre. T'es allongé par terre. Je vous le conseille, c'est le. Il le joue encore, ouais. Attends, je vais regarder juste les dates vite fait. J'ai un truc. Je reviendrai sur les dates de Madame Fraise dans 10 ans. Non, vas-y. Je sais pas si Madame Fraise c'est bien, moi je. Monsieur Fraise. Ah, j'ai vu Monsieur Fraise. Monsieur Fraise, c'est hilarant. Mais c'est la même personne, faut le dire aux gens. C'est le même comédien, c'est Marc Fraise dans les deux. Exact. Ah, écoutez, je crois que le spectacle ne joue plus à Paris. Quand il rejouera, foncez-y. Ouais, je crois qu'il s'est pris la. Foncez-y, c'est le mec de Happy Days. Enrico Macias, c'est Enrico Macias, le vrai chanteur. Foncez, c'est le mec dans. Ouais, foncez-y. Elle est bien. Non, merci. Ouais. Super. Je sens que je t'ai re. Ouais, j'ai testé. Heureusement que t'as pas foncez-y. La recommandation culturelle d'Adrien. Alors, ma recommandation culturelle, c'est sur Netflix. C'est une série de documentaires qui s'appelle Untold, U-N-T-O-L-D, et c'est une série de documentaires d'histoires qui sont liées au sport. Ah oui, je l'ai mais vu. Mais plein de sports différents, puis plein de même d'histoires. C'est mortel, je l'ai vu. Il y a le patinage artistique. Mais c'est pas bad sport. C'est pas Untold. Alors c'est pas. Alors c'est un autre truc. Alors pardon, vous embrouillez pas. Désolé. Vous êtes potes. Et c'est vraiment. Non, mais moi le truc dont je parle, c'est du coup, c'est pas bad sport, c'est Untold. Je crois que c'est moins bien ce qu'il conseille. C'est beaucoup mieux. C'est vraiment moins bien ce qu'il conseille. Non, mais par exemple, ils reviennent. Bad sport plutôt. Bad sport, c'est l'histoire de Van Damme qui essaye des sports. Bloodsport. C'est Bloodsport. D'accord. Allez. Il y a pas eu de vanne. On est d'accord qu'il y a pas eu de vanne. Il y a pas eu de vanne. T'as commencé, après t'as dit. C'est pas pour faire rire. Très bien. Non, très bien. Tout le monde n'est pas humoriste comme ça. Ça valait le coup de couper la parole pour faire pas de vanne. Arrête, connerie. Non, par exemple, pour s'il y a des fans de basket, ils reviennent sur la fameuse baston. C'est bad sport. Bah oui, c'est bad sport. C'est bad sport. Là, je le connaissais. Va sur Netflix. C'est sur la baston avec la grande bagarre d'Artest. Écoutez, je pense que vous avez tous raison. Parce que bad sport, c'est le titre français. Peut-être que bad sport, c'est le titre français. C'est vachement un mot français, bad sport. C'est comme Very Bad machin, tous les titres de films. Ah, donc du coup, ça s'appelle Untold. Alors, ça s'appelle Le titre anglais, c'est Untold. Et le titre français, même si c'est en anglais, c'est bad sport. Donc en fait, on parle de la même chose. En vrai, vous êtes tous sur la même longueur. C'est le truc exactement de la même chose. D'accord, ok. On parle de la même chose. Chose, voilà, le truc où il y a aussi Caitlyn Jenner. C'est ça, voilà. Je suis rassuré parce que le truc super, le truc qui est super sur Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, et il y a aussi le truc sur la. Malheureusement, j'ai oublié son nom. La boxeuse, vous l'avez vu J'ai pas vu. C'est incroyable. Ah ouais. C'est une meuf qui a en gros. Championne du monde. La boxe féminine sur le radar, qui l'a popularisée parce qu'avant, les meufs, il n'y avait pas vraiment de combat de femmes, et elle est arrivée et elle niquait tout le monde. Et Gilles Verdez, une star. Tout le monde peut battre Gilles Verdez. Tout le monde. Ce sera peut-être le titre de l'épisode. J'hésite entre ça et Un Roi Merlin. Je suis un peu entre les deux. Tout le monde peut battre Gilles Verdez. Moi, j'aime bien tout le monde peut battre Gilles Verdez. Voilà. C'est vrai. Surtout si on fait un logo style émission télé. Mais présenté par Nagui. Un mec où on peut dire des choses sur lui où il nous arrivera rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte, il nous envoie un texto. Dis donc, Ramzy, tu t'as dit des vannes sur moi. Rendez-vous, on va se voir, on va discuter. Ouais. Gilles Verdez. Et en fait, il te paye un café crème, en fait. Ça se passe comme ça, je pense. Tu, Gilles Verdez. En tout cas, on est tous les trois d'accord pour dire que c'est une super série documentaire. Untold ou du coup Bad Sport en français. Et c'est trop bien. Tous les épisodes sont trop bien. Ouais, et avec des trucs complètement différents. Soit une histoire de vie complètement incroyable, comme par exemple avec la boxeuse, où j'oublie son nom malheureusement, et la baston avec Ron Artest, etc. Mais tu l'as dit tout à l'heure. Il donne. Tu te calmes immédiatement en fait. Tu baisses d'un ton. Il répète les choses. Non, mais il veut. Baisses d'un ton. Je me tais, je me tais. Non, mais... Toi, t'as dit trois fois qu'il y avait un bus de Rod Burgundy. Personne t'a repris c'est parce vrai, que t'es une c'est star. Vrai, t'as raison. C'est vrai que t'es une star. C'est vrai que c'est une et star. Et vous me considérez comme une star là? Dans votre tête, je suis une star? Bah, moi, je t'ai jamais croisé. Une star, c'est Madonna. C'est ouais. Moi, des vedettes françaises. C'est une vedette. Non, mais c'était une de France, personne me calcule. J'entends. Je suis une vedette. J'entends, mais quand même. Oui, une vedette, ouais. Je suis une vedette. J'ai dit star pour la blague. Au même titre que qu'une vedette que française. Gilles Verdez. Ouais, que Gilles Verdez. Sauf que je le bats. Ouais. C'est là où tu gagnes. C'est là où je suis un peu au-dessus de Gilles Verdez. Il est gentil, c'est un bon gars. Hein. Mais il a l'air gentil. Tu peux pas t'embrouiller avec lui. Mais si tout le monde peut battre Gilles Verdez, t'es obligé d'être sympa quand t'es Gilles Verdez. C'est ça, ouais. T'as pas trop le choix. Quand tout le monde peut te battre, t'es obligé d'être à minima un peu cool. À minima. Mais il est cool, il est gentil. Il est très cool. On fait des vannes sur lui, ouais, mais il est sympa. Ça va. Ah, moi, je conseille une chaîne YouTube qui s'appelle, on l'a déjà conseillé ici, mais qui est vachement bien, qui s'appelle Calmos. Oh. Et en gros, et d'ailleurs, ils ont fait un épisode sur toi et Eric. Ça s'appelle oui. les Gogols géniaux, je crois que ça ah s'appelle. Bon c'est le truc où ils décortiquent l'humour. Exactement. Ouais. Alors, c'est leur. Ça, c'est leur émission, ça s'appelle Rigolo. Voilà. Et la chaîne s'appelle Calmos. Et en gros, ils ont fait plein de vidéos où ils parlent en gros de films français et ils parlent en gros de comédie. De comédie et des archétypes. Par exemple, ils ont fait un truc sur OSS 117 et donc ça parle du second degré. Ils ont fait un truc sur les comiques de droite, sur Louis de Funès, et du coup, ils ouvrent sur l'humour de droite, du personnage de droitard en France, clavier. Etc. Clavier, etc. Et donc, ils ont fait un truc sur toi, Eric, qui s'appelle Deux Gogols de génie, et ça parle de la tombe Prince Infernal. Et ça parle du coup des duos comiques. D'accord. Donc, ça parle de Ben Dumber, Laurel et Hardy, tout wow, ça. Donc, c'est forcément un super site, ça. C'est super intéressant, c'est une chaîne YouTube, c'est vachement c'est des cool. Des jeux super bien, ça. Et le dernier, c'est sur Jaoui Bakri, et voilà, donc je vous conseille cette c'est chaîne. C'est vrai que je vous conseille aussi, Calmos. Bah ouais, c'est des gens bien, ça. Non, mais tu vois, si jamais tu mets ta vidéo, tu vois, c'est très cool. Ouais, et donc là, je sais qu'ils sont en recherche de financement et tout, donc n'hésitez pas à aller voir et à regarder et donner un max de pognon, tout simplement. C'est la fin de l'émission. Si, moi j'ai envie de recommander un truc parce que j'en ai vu un extrait sur un plateau. Un peu limite pour recommander, mais. Non, mais en plus, c'est lié avec Hors de lui. Il y a Jérôme Niel qui est à l'Européen. Sur scène, bien sûr. Sur scène. Et moi, j'ai vu un extrait qui m'a fait beaucoup rire. Ah, et ouais. Je pense que son Jérôme spectacle doit être Niel très drôle. À l'Européen, ça doit être bien. Ça doit être très bien. Ça doit... Il est tellement petit en plus. C'est vrai. Prenez des places au premier rang. Ah ouais. Parce que vraiment, là, ça vaut pas le coup d'aller au balcon. Et pourtant, l'Européen est une petite salle. Soyez et pourtant. Devant. Sinon, vous allez que l'entendre. À partir du troisième rang, c'est top. Fini. C'est terminé. Je fais un dernier tour de table. Il bat Gilles Verdez sans problème. Toutefois. Tout le monde bat Gilles Verdez. N'oubliez pas. Et c'est ce que vous devez garder de cette émission. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle Hors de lui. Donc, qui est dispo sur France.tv. C'est gratuit, allez-y. C'est gratuit. Écrit, réalisé par Baptiste Lorber avec Ramzi Bédia, Nicolas Benoît, Adrien Méniel, mais également Olivia Cotte. Ouais. Eric Eboinet. Lindan Femme. Oui, c'est vrai. Christophe Hérault. Il y a aussi l'excellent Marc Rizzo. Vincent Solignac. Jérôme Niel. Marc Rizzo qui est incroyable. Et Marc Wahlberg. Marc Wahlberg. Une apparition au dernier épisode. Mais la coupe au montage, je crois. Merci beaucoup. Tout le monde, vous avez d'autres trucs qui vont sortir? Des choses à promouvoir? Non. Bien sûr que non. Non. Un mug. Bah si, toi, t'as. Non, tu veux pas le dire, peut-être. De quoi? Le truc sur Prime Video où tu te fais chasser. Ah oui, c'est un mug. Allez sur Prime Video. Sur Prime Video. Regardez Celebrity Hunted. Voilà, où t'es en binôme avec Franck Gastambide. Et on se fait cavaler et c'est bien. C'est bien, j'ai pas eu le temps de regarder encore. T'es beau gosse hein, sur l'affiche en plus. Hein. Ah oui. Bien sûr. Bah oui. Et oui, bah non. Quoi? Hein? Allez, c'est la fin de l'émission. Allez, au revoir. La. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.